Bonjour, bonjour. Donc, c'est bien Bulle de Rêve. Alors, en effet, un Bulle de Rêve qui s'installe. J'ai demandé à mes invités s'ils peuvent de rentrer dans le studio. Évidemment, c'est du direct. C'est Radio Libertaire. C'est ça qui est bien. Et on aime ce genre de choses. Alors, voilà. Ils rentrent. Ouf. C'est parti. Merci beaucoup. À dessous de scène. Pour l'instant, j'ai qu'un seul invité, mais forcément, les autres vont pouvoir rentrer à un moment donné. Alors, on commençait. Tout ça est un peu speed. On commençait avec, vous avez tous reconnu le générique de la Fox, 20th Century Fox, qui commence. Et je suis très content de commencer aussi avec un générique qui me touche particulièrement et surtout par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Ça y est, tous les invités sont, on va fermer la porte juste 5 minutes, laisser le temps aux invités de sous-scène de partir. Mes invités sont là. Donc, oui, je suis content de commencer. On va commencer plus tranquillement, voilà, maintenant qu'on est là, avec le générique d'une émission qui a été pour moi fondamentale, qui s'appelle Cinéma Cinéma, voilà, qui était l'émission qui m'a en fait donné envie de faire du cinéma, et aujourd'hui on va parler de cinéma, donc ça tombait bien comme avoir ça comme générique. C'est une émission qui était quand même assez particulière, puisque elle pouvait, par exemple, aller chercher Sue Lyon, qui était l'interprète de Lolita. Ils avaient été en faisant des petits encarts dans Variety pour la retrouver. Ils ont fait des choses assez drôles avec Woody Allen, où en fait, on voit Woody Allen répondre à des questions stupides de on entend que les intervieweurs et jamais les réponses de Woody Allen. Enfin, il y a des choses assez étonnantes et c'est vraiment l'une des émissions les plus, enfin, en tout cas pour moi, passionnantes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, donc je suis content de pouvoir commencer avec Cinéma Cinéma. On va parler alors quelque chose d'un peu particulier. Alors on n'a pas su comment l'appeler. Donc dans mes petites annonces, une petite annonce sur le site, je disais un ami m'a appelé un après-midi. Il venait sûrement déjeuner avec la personne avec qui il voulait. Donc il me fait j'ai une super émission pour toi. Ok, d'accord. Alors, on va faire une émission sur ça et il va y avoir un tel. Enfin, c'était plutôt pas mal, j'avais déjà mon émission de prête. Et tout était bon et ça m'intéressait puisque l'idée c'était de parler du manque de cinéma dans le cinéma d'animation. Alors, c'est un peu provoque comme ça dans l'idée, mais à mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est réfléchir sur ce qu'est un peu le cinéma d'animation aujourd'hui sans être dans la théorie, mais juste en discuter autour de cette table. On sait pas trop où on va aller. On sait pas trop où on va. Mais on y va. Et on va bien voir. Et je suis persuadé qu'il va en sortir des choses absolument passionnantes autour de cette table du beau monde. On a Gilles Cuvelier. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc voilà qui fait le plaisir de venir. Franck Dion. Bonjour. Et Olivier Catrin. Bonjour. Avec Olivier, on parlera aussi d'une nouvelle qui nous a tous attristés fin octobre, alors qu'on fêtait normalement le cinéma d'animation et qu'on était normalement dans une fête. On a appris malheureusement l'arrêt des Trois Ours, qui est la société qu'avait créée Olivier. Un petit moment donné qui va être pourquoi en plus, d'autant plus Bulle de Rêve devait donner la parole. Un, parce que les Trois Ours c'était une société importante. Deux, parce que vous le savez, surtout si vous me connaissez, Olivier Catrin est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui m'a suivi. J'ai appris beaucoup de choses de lui et donc évidemment, je voulais en plus que lui vienne. Il y a eu un article et il le dira pas et ça n'engage évidemment que moi, mais il y a un article qui a été écrit où on disait que l'un des créateurs était l'âme des Trois Ours, que voilà, à la fin on dit ah, heureusement on le récupère. Et ben moi Olivier, oui c'était sur la petite truc qui a marqué Serge Elissal, âme des Trois Ours, ce genre de choses, sans chercher ça, parce que l'idée n'est pas de savoir lequel était là, mais c'est à eux de décider, c'est sûrement pas à nous à l'extérieur, mais c'est juste que voilà, Olivier a créé cette société qui a été si importante et qu'il était important pour moi qu'ils viennent nous en parler un petit peu avant et qu'on rende hommage aussi au travail fait, qu'on parle un petit peu du contexte, mais aussi qu'on rende hommage, et puis surtout parce que un peu facile, mais c'est vrai que c'est important, il y a des êtres humains derrière, et qu'ils puissent évidemment, notamment Olivier, vite rebondir sur d'autres choses et avancer vers de nouvelles aventures. Voilà. On va peut-être faire une petite pause musicale. Bien évidemment, il y a Nicolas qui est derrière le micro. Bien évidemment, il y a Rémi. Qui est là et qui nous fera bien sûr son agenda. Et bon, je suis censé en faire une partie si je ne l'ai pas perdu. Et bien sûr, Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Je n'ai pas présenté Franck. Si j'ai présenté Franck, je me serais pas. Comment je me fais reprendre? Tu t'imagines, j'aurais pas présenté Franck, il aurait fait. Non, si. Franck Dion. Il se serait pas permis. Et là. Et donc voilà, donc on va faire une coupure musicale, comme ça on va tous reprendre nos esprits. On va revenir pour parler juste des trois ours après cette pause. Aujourd'hui, on va avoir des coupures musicales qui ne sont que de musique de film, puisqu'on parle de cinéma. Et comment ne pas commencer, même si elle est un peu longue, par sûrement l'une des plus belles musiques de film, en tout cas pour moi, l'un des plus grands compositeurs de film, si ce n'est le plus grand compositeur, à savoir Bernard Herrmann, bien sûr, sa musique pour Vertigo d'Hitchcock, la fabuleuse scène d'amour que l'autre abruti a foutu en l'air dans The Artist à la fin, dans un truc. Dans une scène absolument horrible. Donc voilà, elle n'existe que dans Vertigo, et on l'écoute et on revient pour parler d'animation, bien sûr. Thank you. Ah, cette sacrée rotonde. On y allait comme si on rentrait chez soi. On se sentait en famille, quoi. Et regardez, Kiki et son beau galurin. Oui, c'est un peu une coupe rapide, évidemment. Donc, vous avez entendu Bernard Herrmann, la fameuse scène de la fin Vertigo, et juste après, un extrait de Kiki. C'est Olivier. On va quand même parler, évidemment. On va parler, évidemment, de ce qui s'est passé. Mais quand une société s'arrête, je trouve qu'on parle un peu trop des choses, voilà, qui n'ont pas été, etc. Parlons des choses qui ont été quand même, et pas mal de belles choses. Kiki, élément parano, c'est une des premières. Avec une musique d'Olivier Davio. Hein, et un travail de Yann Volsi sur le son aussi, après et tout. Kiki, donc ouais, c'est l'une des belles réussites, je suppose. Il y a des choses dont on est fier. Ouais, bien quand sûr. On fait une société comme ça. D'autant que j'ai déjà dit, mais c'est le premier projet que j'ai eu dans les mains en tant que producteur, ce qui est quand même assez amusant. Donc qui finit bien, hein. Beau projet, qui a fait un peu le tour du monde des festivals, qui obtient, on le sait, le César, etc. Il y en a plein d'autres quand même, il y a plein de films, je suppose, dans Concarne. Je ne les ai pas recomptés avant de venir, mais environ 15 courts-métrages, je crois, en production, coproduction. Ouais. Et donc plein de belles aventures humaines, parce que je sais que c'est ça qui t'intéresse aussi. Et... C'est vrai, parfois ça a été compliqué, mais même quand c'était compliqué, c'était intéressant, je trouve. Enfin, voilà, on travaillait avec un réalisateur qui porte un univers, c'est même forcément toujours un peu compliqué. Mais c'est une aventure, quoi. Donc c'est une aventure riche et voilà. Il y en a aucune que je regrette, ça c'est clair. Donc on garde ça évidemment en tête. Il y avait plein d'autres projets avec des réalisateurs. Plus on avançait, plus évidemment les trois ours prenaient. Bon, on donnait dans l'international. Voilà, là, international. Ouais, vrai, ouais. Ben oui, plein d'autres projets qui j'espère verront le jour. Certains sont déjà bien orienté, on va dire. Bon, Théodore Rouchef. C'est vrai que c'était un projet qui me tenait à cœur de faire ce film-là. Bon, l'ONF fera tout seul. Oui. Bon, il n'y a pas de problème, il y a l'ONF derrière, tout ça. Pour d'autres, ça va être plus compliqué, mais je pense que... Bon. Parce que c'est important, tu ne lâches pas évidemment tous les projets. En tout cas, là, pour l'instant, toi, tu travailles sur le fait de redispatcher, on va dire, tous ces projets. Ouais, ça prend pas mal de temps, en fait. Effectivement, il faut... Il faut voir les producteurs qui sont susceptibles de reprendre des projets. Il faut que le réalisateur soit d'accord d'aller vers tel producteur. Je sais que Théodore m'avait fait une liste des gens avec qui il ne voulait pas travailler en France. Et puis après, il faut que ça puisse se faire aussi dans les conditions. Pour certains films, c'est assez facile. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a déjà de l'argent engagé et tout ça. Donc... c'est pas moi qui décide maintenant. Il y a un liquidateur aussi qui doit prendre des décisions par rapport à ça. Ouais, alors donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour les gens qui sont pas encore au courant? Évidemment, tout est marqué sur The Web Anime, il y a les news et vous avez un petit lien sur l'un des articles qui a été écrit à propos de ça. Mais bon. Dans les faits, c'est assez simple. C'est que c'était le 27 octobre, chose comme ça, le tribunal de commerce a décidé la liquidation des trois ours. Voilà. Après, comment on en est arrivé là? C'est une question qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Bon, c'est vrai que produire le début de l'activité des trois ours, ça a été essentiellement la production de courts-métrages. Avec une contrainte, c'est que moi j'étais gérant de la société, donc gérant salarié, donc il fallait dégager un salaire sur ce travail-là. Pas forcément évident. D'autres ont pris d'autres options. Hein. Parfois il y a eu des gérants bénévoles et des producteurs intermittents du spectacle, donc c'est vrai que c'est plus souple. Moi, j'ai voulu prendre cette solution-là, ce qui n'était pas forcément facile. Donc, au début, ça a été un peu compliqué d'un point de vue financier. Puis, au fur et à mesure, on va dire que d'année en année, les choses s'arrangeaient. Et puis, on est arrivé à un moment où l'année 2013 a été un peu compliquée parce que essentiellement à cause de décisions prises dans le cadre de la région Poitou-Charentes où est basée la société. On a eu quelques mauvaises surprises, des commissions qui donnaient un avis favorable sur un film, et puis après c'était jamais validé, ça restait comme ça dans la nature. Donc il y a un film que j'ai fait comme ça en coproduction, puis quand le film était terminé, ils m'ont dit finalement non. Ça, parce que parfois on est tenu par des calendriers, on peut pas attendre 6 mois, 1 an que la région valide l'aide, quoi. Et Il y en a une autre, c'est arrivé un an plus tard. Des réponses négatives. Donc on était en train de lancer le truc, disant, bon, c'est pas possible qu'on va lancer le truc. Donc il y a des choses qui ont été compliquées à cause de ça. Et puis, compliquées aussi sur les soldes de subventions. Vous savez, quand on fait des films, on a de l'argent au début, puis on a de l'argent à la fin. On a de l'argent à la fin quand on rend les comptes. C'est un gros travail de rendre des comptes. Parfois, moi, j'ai souvent été en retard là-dessus, donc ça posait des problèmes. Mais en plus, on peut vous embêter sur les comptes, ça peut être très, très compliqué. Notamment sur Mademoiselle Kiké et Montparnasse, ça a été infernal. Il a fallu attendre, plus d'un an, par exemple, en région Poitou-Charentes, pour pouvoir toucher le solde, parce que il y avait... Bon, bref, on n'avait pas dépensé suffisamment, des choses comme ça. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, souvent quand on a de l'argent d'une région, il faut dépenser. Voilà, il y a tout un tas de règles beaucoup assez plus, complexes. Une fois, deux fois, trois fois, enfin, etc. On vérifie la moindre facture, tout ça, c'est compliqué. Bon, voilà, ça demande tout un suivi administratif assez lourd. Et voilà. Donc l'année 2013 avait été un peu compliquée de ce point de vue-là. On avait beaucoup d'argent dehors et du coup, on a été mis en redressement judiciaire en octobre 2013. Voilà. La situation n'était pas mauvaise, mais on avait effectivement beaucoup d'argent dehors, quoi. Et puis ensuite, au même moment, on va dire que la société commençait vraiment à décoller. On nous faisait beaucoup de propositions, des beaux projets de court-métrage, mais aussi des projets plus lourds sur de travail de prestations, sur des séries, de documentaires animés, un projet de long-métrage, etc. Donc on s'est retrouvé avec un certain nombre de gros projets à mener. Et le moment où ça devait décoller, on va dire que ça a été un peu de Bérésina en Bérésina, c'est-à-dire rien ne s'est passé comme prévu. Et voilà. Alors qu'on comptait sur ces projets-là, ben finalement, l'accumulation d'échecs sur ces différents projets, enfin d'échecs ou de problèmes, fait que on s'est retrouvé coincé tout d'un coup. Cet été, en fait, hein, on s'est retrouvé court d'argent et tout ça. Et quand on est en redressement judiciaire, qu'on se retrouve dans cette situation-là, c'est pas bon du tout, quoi. Il y a beaucoup d'argent à l'extérieur au moment où le juge déclare la société fermée, etc. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir une autre décision ou Ah oui, je pense que oui, parce que en fait, d'année en année, le bilan était à chaque fois meilleur. Donc je pense qu'effectivement, ils ont juste pas voulu prendre le risque. Le fait qu'on soit, nous, dans une situation de conflit, on peut ça avec un autre producteur qui nous devait de l'argent, a probablement pas aidé. Ça a provoqué une espèce d'incertitude par rapport à tout ça. Bon, il y a eu trois choses. Hein. Il y a eu on a travaillé sur un document, enfin, une partie animation sur un documentaire. On a mis des mois et des mois avant d'être payé, donc ça nous a fragilisé de ce point de vue-là. Il y a eu une série animée, enfin mélangeant documentaire et animation, dont on était producteur exécutif, avec lequel il y a eu un conflit avec le producteur délégué, une rupture un peu unilatérale, ce qui évidemment nous a encore mis dans des situations plus compliquées. Puis on devait démarrer un long métrage en coproduction avec la République tchèque cet été. Et fin octobre, on en était toujours à dire quand est-ce qu'on va pouvoir commencer, quoi. Donc voilà, l'accumulation des choses, il y aurait juste un problème sur un truc, ça aurait été, mais l'accumulation des choses, les trois gros trucs de l'année, en gros, voilà. Il y a une... quelque chose qui est dans l'article, une grosse erreur que font beaucoup de gens, et dans ce que tu viens de nous dire, ces trois problèmes-là, et notamment, donc ça c'est un producteur hein, qui dans l'article du Dauphiné Libéré dit quand on fait du court-métrage, voilà ce que ça donne, ouais. Et on se rend compte finalement, quand tu nous en parles, que c'est pas tellement le court-métrage, évidemment, qui a été la perte, on va dire, des trois sources. Sur les courts-métrages, finalement, le risque est moindre. Parce qu'il n'y a pas le même engagement financier, c'est assez balisé d'un point de vue financement. Le risque qu'il peut y avoir sur un court-métrage, éventuellement, ça arrive parfois, ça peut être des dérapages parce que mauvaise évaluation technique, nécessité de travailler, d'ajouter du travail, etc. Donc là, les décisions sont parfois compliquées à prendre et effectivement, le producteur peut être amené à rajouter de l'argent pour que le film existe. Ça arrive, ça arrivait à tous les producteurs. Mmh. Effectivement, pour une société qui est un peu fragile financièrement, ça peut avoir des conséquences. Nous, on a eu des films, effectivement, où il a fallu rajouter de l'argent. Il faut bien que les films se terminent, quoi. Donc, on peut pas... Voilà. Mais ça, on peut encore jongler, on va dire. Mais c'est pas non plus des dépassements qui sont énormes, donc à la limite on peut y arriver. Après, sur des projets plus gros, c'est vrai que les conséquences sont d'autant plus importante aussi d'un point de vue financier, quoi. Je pense que ce qui a choqué tout le monde, en effet, c'est de voir cette société qui fonctionnait de mieux en mieux, qui en effet, encore une fois, avait pas mal de récompenses. Évidemment, on parle beaucoup, j'en parle du fameux César de Kiki et ce genre de choses, qui fait que tout ça, en fait, c'est un équilibre très précaire, en fait. De toute façon, c'est très précaire pour toutes ces sociétés qui sont un peu sur ce créneau-là, hein, plus ou moins grosses. Les Trois Ours, c'était une petite société, mais on a des plus petites aussi. Mais moi, je connais des sociétés un peu plus grosses qui ont une renommée importante, qui sont aussi dans cette situation fragile où les gens qui sont en charge de la société se disent est-ce qu'on va pas devoir arrêter ou j'en peux plus ou voilà. C'est quand même un métier qui est compliqué parce qu'on est constamment d'abord c'est des grosses sommes d'argent qui rentrent ou qui ne sont pas là, donc parfois on a des trous comme ça. C'est pas un revenu régulier, hein, rarement la production. Et puis il y a une part d'impondérable, quoi. On travaille avec des gens, les projets ça peut être compliqué, ou on peut avoir travaillé avec quelqu'un, un producteur ou un prestataire, ça se passe mal. Enfin, on peut se retrouver, si on n'a pas un matelas, on est très vulnérable malgré tout. On est très très vulnérable. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'animation? Parce que normalement, il y a de plus en plus de sociétés, il y a de plus en plus d'animation, il y a de plus en plus de choses. Et est-ce que ça veut dire que derrière, alors qu'on a encore une fois de la chance d'avoir en salle CNC, les commissions, on a cette chance. Il n'empêche que visiblement derrière, est-ce que ça commence à moins suivre aussi? Est-ce que j'ai l'impression, on me dit, alors il y a plein de gens qui me disent que le CNC, par exemple aujourd'hui, il y a un côté un peu, vous avez le fonds de soutien, enfin on va pas, voilà, donc vous êtes plus. On sent que ça se raidit. Ouais. C'est évident de tous les côtés. Du côté des régions, du côté du CNC, du côté des chaînes de télé. Le budget court-métrage Arte, ouais, qui est quand même le principal partenaire avec nous, la prochaine, ça va baisser, etc. Et Canal+, l'année dernière, on était dans une incertitude totale. Donc, c'est clair qu'on est dans une situation de crise économique et on a les conséquences aussi, les contre-coups. Donc, forcément aussi, Ce qui est fou, c'est que l'anime, ça fonctionne. Il disait par rapport au budget, c'était au court-métrage, l'anime fait 50%. C'est le truc là qui s'occupe de l'animation à l'étranger, enfin, etc. Français, Unifrance, ouais, merci. Qui disait que le court-métrage faisait 50% des entrées, du budget, enfin, de ce que gagnaient les courts-métrages français. Alors que pourtant, c'est l'animation. L'animation. Oui, évidemment, c'est beaucoup plus réduit. Films, c'est évidemment. Au niveau de la production, c'est beaucoup plus réduit. Pareil pour les séries, pour les longs-métrages, on sait à quel point ça marche. On me pose souvent la question, comment avec un César on peut se retrouver dans cette situation-là? Mais parce que un César, ça rapporte pas de l'argent. Ouais. Enfin, je veux dire, effectivement, les films se vendent à des chaînes dans différents pays du monde et beaucoup moins qu'avant, parce que aussi dans le monde entier, il y a des phénomènes de crise. Il y a plutôt des chaînes qui ferment plutôt que des chaînes qui ouvrent. Enfin, en tous les cas, dans le domaine du court-métrage, et c'est souvent des sommes quand même un peu dérisoires. Enfin, c'est pas grand chose, à part en France où effectivement les chaînes de télé mettent un peu d'argent dans les courts-métrages. Ailleurs dans le monde, on vous achète des films pour quelques centaines d'euros, hein, c'est assez symbolique quand même. Mais donc la fermeture des Trois Ours, non seulement en étant évidemment un coup dur là, par rapport à la société des Trois Ours, c'est aussi quelque chose d'inquiétant par rapport à la production de l'animation, à la production de la culture en général. En même temps, il faut relativiser. Il est peut-être aussi, on peut aussi penser que la fermeture des Trois Ours est due au fait que le gérant était pas super performant. Il y a des gens qui sont plus rigoureux, plus malins, des décisions qui étaient plus en accord avec la gestion d'une société. C'est peut-être aussi dans l'ordre des choses, quelque part. On gère pas une société avec des bons sentiments, quoi. Donc c'est voilà. Oui, on pourrait dire, alors, c'est tout à ton honneur de pouvoir dire ce genre de choses, mais on peut se dire, il y a pu avoir des erreurs, bien évidemment, de la part des Trois Ours, mais encore une fois, une société qui fonctionne comme ça plutôt bien et qui a une renommée qui chaque année monte, je trouve ça étonnant qu'on puisse pas d'un seul coup, alors c'est très naïf de ma part, mais qu'on puisse pas aller frapper à une porte quand même, dire, écoutez, regardez quand même notre bilan économique, ok, c'est pas ça. Je vous demande pas de nous sauver au niveau économique, mais quand même, vous voyez qu'on a fait des choses au niveau de la création qui se tiennent plutôt. Qui avance, et donc non, ça veut dire qu'on peut pas. Mais quelle porte la banque, elle s'en fiche. Ils sont... Et un tribunal de commerce, ils s'en fichent aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, ils étaient contents quand ils ont su que j'avais eu un César, mais bon, c'est pas vraiment leur problème, quoi. Ouais. Donc toi, tu penses que. Il n'empêche que tu vois quand même que ça aurait pu être autrement. C'est-à-dire que, est-ce que le juge connaissait pas bien, de toute façon, tout ce qui était cinéma, cinéma d'animation, il a jugé ça, comme c'est, tu dis, c'est de même manière... pas un problème de cinéma d'animation, c'est même une société de production. Comment, ouais, ils m'ont dit, on a vraiment beaucoup de mal à juger votre bilan, ouais. quoi. Parce oui, même cinéma. On n'a pas les éléments en main, quoi. C'est pas très palpable pour nous, quoi. Franck, Gilles, je sais pas, puisque vous êtes là aussi, et Papy 3D, alors vous avez une société qui s'appelle Papy 3D, qui elle aussi, hein, est pas née en même temps, mais en tout cas, je pense un que... Un peu avant, je crois. Hein, c'est ça, ça doit être un peu le... Est-ce que c'est le genre de chose qui fait peur, qui inquiète, Franck ? Oui, moi, quand j'ai appris ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour le paysage du court-métrage, du film d'auteur en France. Et puis, bien sûr, ça fout carrément les jetons, même à l'échelle, nous, d'une structure comme Papy 3D, qui est une petite structure. On fonctionne un peu différemment parce qu'on ne s'est pas encore accoquiné ni avec le long métrage, ni avec la série, ni avec le documentaire, même si c'est des velléités qu'on a dans les projets, en termes de projet en tout cas, c'est quand même quelque chose. Enfin, là, je parle en mon nom, je parle pas au nom de Papy 3D. Hein, on est 8. Si on attend d'avoir tous un avis. Non, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, c'est un signal très très inquiétant. Ça veut dire qu'on peut produire de très bons films, on peut avoir une politique artistique très bonne, très intéressante, très engagée, et puis se casser la gueule. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a un mauvais gérant ? Est-ce que moi, c'est pas en ces termes que je le vois. C'est effectivement en des termes de... Moi, je comprends tout à fait quand Olivier parle, par exemple, du fameux troisième tiers de paiement, qui a un détail comme ça, et puis un petit peu du jargon professionnel. Pour les gens qui nous écoutent, mais c'est vrai que lorsque il faut finir le film pour avoir une dernière partie du paiement, ça peut nous foutre très très vite dans la merde. Genre qu'il faut qu'on avance de l'argent. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. La trésorerie. Et sachant que nous, notre problème, des petites structures comme nous sommes, et en plus nous ne sommes pas rentiers, nous n'avons pas de trésorerie. Donc l'obsession permanente, c'est d'équilibrer les comptes. C'est-à-dire que un euro qui rentre, c'est un euro de dépensé et sûrement pas plus. Et si on prend le risque de dépenser 1,20€ alors qu'on n'a qu'un seul euro qui rentre, enfin voilà, c'est des comptes d'apothicaire. Du coup, c'est pas du tout sexy. On n'est plus du tout dans le cinéma, dans l'artistique, etc. Mais c'est comme ça qu'on peut couler une boîte. Non, mais c'est intéressant de voir aussi que les gens comprennent, parce que des fois on comprend pas. Et en effet, il y a eu, on en parlait hein, tout à l'heure en micro, ces réactions un peu stupides et en dessous. Enfin, en tout cas, vraiment, des gens qui comprenaient pas, qui toujours la même chose. Ah oui, mais bien fait. Enfin voilà, on prend toutes les subventions, etc., etc. C'est évidemment beaucoup plus complexe, et je pense qu'aucun réalisateur et producteur de court-métrage n'a forcément une grande maison avec plein de piscines et ce genre de choses. Hein. À part Franck, voilà, c'est ça qui a sa maison en Corse, parce qu'elle a beaucoup explosé. C'est mal, mais bon. Non, mais c'est important que les gens, parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y a cette idée de se dire oh là là, mais de toute façon pourquoi faire des petits courts-métrages, et on sait bien à quel point ils sont importants, ces courts-métrages, ne serait-ce que pour créer des choses qui ensuite sont reprises dans la série, dans les longs, et mais on a besoin de ce laboratoire. Même pas, je veux dire la gratuité, je veux dire l'engagement d'une politique culturelle et artistique à perte, c'est déterminant pour la santé. J'allais dire mental, c'est un mot énorme, mais pour la santé mentale d'une société, c'est important de donner les moyens à des artistes de s'exprimer, de proposer des choses différentes, alternatives, certes plus fragiles, peut-être maladroites, parfois géniales, parfois nulles, on s'en fout de ça. En tout cas, la possibilité qu'on a aujourd'hui, ici en tout cas, je parle d'un mode de production que je connais, c'est le mode de production français, c'est déterminant. Parfois, j'entends des gens qui ne comprennent pas pourquoi on nous donne de l'argent public, du contribuable, je le cite, hein, pour faire des films qui n'intéressent personne. À savoir des films de 10 minutes d'animation qui n'intéressent personne. D'abord, ce n'est pas l'argent du contribuable. L'argent du CNC n'a jamais été l'argent du contribuable. C'est l'argent des gens qui vont au cinéma. Ça n'a rien à voir. Et en plus, je suis désolé, mais c'est important de donner la possibilité à des formes d'expression artistique et culturelle. Il y va de la bonne santé, je trouve, artistique, intellectuelle et globalement mental d'un pays. Je veux dire, de je sais pas, voilà. Et en plus, ils sont pas si peu vus que ça, parce que oui, c'est ça. Ils sont vus par des dizaines de milliers de spectateurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand on voit, pardon. Voire probablement plus de 100 000 pour certains. Donc, c'est pas si peu vu que ça. Oui, non, c'est ça. Certains films, parce que c'est ça qui est intéressant, certains courts-métrages, et ça, ça a été dit dans des dossiers de CNC, Unifrance, etc., sont plus vus que certains longs-métrages français, même des longs-métrages avec des stars, entre guillemets, ou des choses comme ça. Mais quand bien même un film ne va intéresser que 10 personnes. Oui, non. Là, je suis vraiment très extrême. Tu as raison. Il est important, ce film. On est d'accord, c'est vrai que... Parce qu'il a le mérite d'une exploration, d'un mode d'expression, et d'une vitalité de la création qui est déterminante. C'est-à-dire que la création du court-métrage, enfin, en termes de court-métrage, n'est pas seulement le laboratoire, et Dieu merci, en tout cas, merci, n'est pas que le laboratoire soit de la publicité, soit du long-métrage, soit de la série. C'est tout simplement le laboratoire d'idées, de concepts artistiques. Bien sûr, non, je me faisais l'avocat du diable en disant que, économiquement, puisqu'on parle beaucoup dans ces idées d'économie, qu'en plus, c'est faux. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu as tout à fait raison et que le court-métrage, on le sait bien, depuis 100 ans, vit tout seul et qu'en plus, on a de la chance en animation, puisqu'à part récemment, les gens qui faisaient le court-métrage étaient très contents de faire du court-métrage et ne pensaient pas justement à faire de la série, du long, de la pub ou quoi que ce soit. Ils faisaient du court et c'est une expression en elle-même. Vous ne l'aurez pas, mais parce qu'il y a plein de choses, mais vous pouvez regarder sur internet Jacques Tati arrivant au festival de Clermont-Ferrand du court-métrage et dire à quel point le court-métrage est absolument fondamental pour la création. Ceci étant dit que Jacques Tati, lorsqu'il arrive à Clermont-Ferrand, il est très très abîmé par la vie et par ses échecs répétés et par sa faillite professionnelle sur le plan justement on revient à une faillite et c'est plus le Jacques Tati qu'on aime c'est un Jacques Tati extrêmement renfermé, très agressif, très amer. Oui, mais il cite quand même il cite ce qui est intéressant, c'est qu'il cite aussi bien René que Chaplin, c'est-à-dire qu'il va plus uniquement dans j'ai fait du cours d'ailleurs quand on lui dit il y a Tati et lui-même très dit moi je suis pas là pour vendre ma crèmerie, enfin voilà, et ici d'autres, c'est pour ça que en soi on va dire le témoignage est assez touchant, voilà, mais d'accord. Gilles, on va arrêter, mais Gilles, est-ce que toi, puisque t'as les deux casquettes, t'as Papy 3D producteur et t'as studio Train-Train, qui a un studio plutôt prestataire, animation, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, ce côté renfermement, parce que quand même vous travaillez sur du long, pareil, il y a une volonté de pas forcément de... Enfin, j'aime pas le terme parce que c'est un peu ce qu'on vous a dit à un moment donné, il fallait changer de l'association studio production, etc. Enfin, il faut toujours augmenter et tout. Mais vous faites plus de choses aujourd'hui, est-ce que ça se ressent quand même, cette angoisse Oui, au niveau société, nous on est donc dans le Nord-Pas-de-Calais. On nous poussait, on dit non, il faut que vous fassiez de la série, il faut que vous fassiez du long métrage, de la commande. C'était vraiment une pression qui nous a obligés même à devenir. Pour certains projets, coproducteurs, alors qu'on ne voulait pas l'être. Donc, effectivement, il y a une pression d'un résultat dans quelque chose où nous, on fait principalement par choix du court-métrage. C'est pas une contrainte, c'est pas par dépit, c'est vraiment un choix. Parce que c'est là-dedans qu'on s'exprime, qu'on a trouvé notre mode d'expression le plus satisfaisant artistiquement, humainement et. Et voilà, donc c'est un vrai choix de rester dans ce créneau-là, qui est certainement peu vu ou moins vu que dans d'autres domaines, mais voilà, qui nous permet d'aller au travail et d'y aller avec un enthousiasme qu'on a. Avec un plaisir, oui. Plus ou moins, mais tout au long de l'année. Donc voilà, et malgré ça. Alors qu'il y a d'autres boîtes qui font de la presta, qui font des choses commerciales, et c'est pas péjoratif. Là, c'est pas. Eh ben, on nous demandait quand même de changer finalement notre orientation. Se fondre dans le moule. Se fondre dans le moule. Ah, mais il faut que vous fassiez ça. Il faut essayer du multimédia. Il faut que vous fassiez de la publicité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à ces gens-là que pour nous la forme courte en animation, c'est la forme reine. Et que c'est pas par dépit, on n'est pas malheureux là-dedans. On voudrait juste qu'on nous laisse tranquille et faire ce qu'on a envie de faire, en sachant qu'on essaye de pas faire n'importe quoi non plus, qu'on fait attention à ce qu'on fait, qu'on peut faire des erreurs et voilà. Mais c'est un combat qui est là à l'année, quoi. Je me rappelle des discussions avec la région. Vous nous disiez, vous avez trop de projets, vous mettez trop longtemps à faire les films. Mais oui, mais on fait des courts-métrages, donc forcément, il faut qu'on en fasse un certain nombre. Et effectivement, c'est long. C'est l'animation. Voilà, c'est pas effectivement. On est à Angoulême, c'est vraiment un contexte. On est plus dans des grosses sociétés qui font essentiellement de la prestation sur la série, mais parfois aussi en tant que producteur délégué, mais comme avant tout de la prestation, ou du long métrage comme Prima Linea. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même logique, on était un peu tout seul dans cette démarche-là. Et c'est vrai que c'était aussi... trois os, c'est compliqué, quoi. C'est un peu ça, tout le temps. Est-ce qu'on commence à ressentir un combat entre les régions ? Entre Nord-Pas-de-Calais, qui est à ce que vous voulez devenir une sphère numérique, etc., comme on a par rapport à... Moi je me rappelle que les premiers... On a beaucoup travaillé en coproduction avec des producteurs ailleurs, et les premières fois, ils nous faisaient la tête, quoi. C'est... Travailler avec d'autres régions, c'était vraiment problématique, hein. Alors, expliquer que... c'était au contraire, tout le monde avait gagné, mais et bien sûr il y a une rivalité. C'est un crime de lèse-majesté. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était oui, c'est compliqué, pas très très bien vu, quoi. Ouais. Avec une bonne com de Poitou-Charentes, hein, on les a vus là à France sur France Télévisions. Enfin, ils sont, je sais pas qui s'en occupe, mais ils sont un peu partout. L'animation, le perso de l'animation quasiment aujourd'hui en France, c'est là-bas, quoi. C'est. Ouais, mais on sait qu'il est important. Sûrement mais bon. Pas. Mais oui, oui, oui. Et en même temps, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai que les producteurs, en tout cas dans le domaine du court, ont de moins envie de travailler avec la région Poitou-Charentes parce que c'est quand même très compliqué. À commencer par moi. À commencer par Franck. Voilà. Ouais, donc c'est un petit peu... C'est un peu dommage, alors qu'il y a un tel potentiel, se retrouver dans des situations comme ça. Moi, j'ai tellement entendu, et encore récemment, encore plus depuis la faillite des Trois Ours, les producteurs dire plus jamais, quoi. Ouais. Est-ce qu'un peu une erreur en plus avec toutes les écoles qui se mettent, ils ont appelé l'atelier, donc maintenant il y a une nouvelle école qui est là-bas depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est-à-dire qu'on voilà, c'est vraiment l'idée d'un seul coup. On ne peut pas s'empêcher de vouloir faire des gros trucs. Enfin voilà, faut que ça soit la première région numérique. On emploie des termes, c'est rien. Bah, c'est un concours de zizi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le. Avec tout le respect que je leur porte, et puis j'aime beaucoup. Enfin moi j'ai une attache particulière et sentimentale avec le Nord, mais Pictanovo a la même. Le même comportement et la région Bretagne où je travaille un petit peu en tant que lecteur, c'est pareil. Sur raison des velléités, c'est de se mettre en avant. Enfin, c'est le concours de Zizi, quoi, qui sera. Et puis la ville de Paris aussi. Oui. Pas oublier en effet. Faut avec pas oublier truc, non plus, ouais. Qui est en soi une région finalement. Pareil. Hein, On ferait une autre émission. Où on pourrait parler de ça. Ça fait des années que je demande aux gens du CNC de venir, ou des gens que personne évidemment n'a envie tellement de venir parler. Bon, ce genre de choses où il faut avoir on va les enlever. Il faut avoir, voilà, il faut on dire à tel, et ouais, il faudrait pour qu'ils viennent vraiment. Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose. Les trois jours, c'est fini. Est-ce que c'est. Il y a des regrets où tu te dis, et il y a quand même évidemment du plaisir de l'avoir fait. Et, encore une fois, beaucoup de plaisir de l'avoir fait. Après, c'est vrai que sur ces derniers mois, il y a quand même eu des choses un peu désagréables. Ouais. Mais j'ai pas envie de revivre ce genre de choses-là, quoi. Voilà. C'est vrai que j'ai pas fait ce boulot-là pour avoir à me bagarrer, à faire appel à des avocats pour ça. Sans le dire, parce qu'évidemment il y a des choses qu'on peut pas tout dire au micro, même Radio Libertaire. Il y a des choses sur lesquelles t'es en colère et tu dis quand même là il y aurait pu avoir quelque chose de fait pour que ça se termine pas comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. En même temps, je veux pas jeter la pierre à personne, mais oui il y a des choses qui m'ont choqué, clairement, qui me restent un peu en travers de la gorge. Ouais. Bon, et est-ce qu'après ça justement toi tu vas revenir, je sais, on le sait, tu l'as dit que tu voulais pas forcément repartir sur une sur de la production justement. En tous les cas, sûrement pas créer une société de production, ouais. C'est clair. Après, bon, devenir producteur peut-être dans une société ou des choses comme ça, mais en tout cas pas créer une société. Je peux faire plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent, dans l'animation notamment. Donc on verra bien. Ouais. Donc on s'inquiète pas trop. J'espère. Sinon, vous savez, Olivier. Il a un CV qui est incroyable, donc si vous êtes, n'hésitez pas, bien évidemment. De toute façon, j'ai toujours le plaisir à faire des choses très différentes, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à faire des choses très différentes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, mes questions n'ont pas abordé ou quoi, que t'aimerais parler ? Encore une fois, je trouve qu'on en a parlé suffisamment, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Enfin, moi, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y a pas eu à ma connaissance, de communiquer de l'AFCA, du collectif des producteurs indépendants. Non, mais ça aurait pu, c'est quand même une société, quelle qu'elle soit. Je sais pas. Les producteurs indépendants, par exemple, c'est très très moribond en ce moment. Il faudrait d'ailleurs qu'on se réveille un petit peu, je dis on, parce qu'on en fait partie avec Papy 3D. Mais c'est très moribond, donc ça c'est un peu normal qu'il n'y ait pas eu. Je pense qu'il y a une véritable émotion et tout le monde, c'est. Là, je m'avance peut-être un petit peu trop, mais je crois pas. Je crois que tout le monde est vraiment très emmerdé par cette disparition, et très déçu, et très, très affecté. C'est quoi. Pour ça que pour l'instant, il n'y a pas vraiment. On l'a pris un peu en pleine gueule, et puis maintenant, on se dit bon. Je pense qu'il y a eu des témoignages. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, Olivier. Oui, mais c'est un des bons côtés de l'affaire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de témoignages par divers biais, de témoignages de solidarité, d'amitié, ou de choses comme ça. Et c'est vrai que. C'est vrai que c'est agréable, Oui, au moins de voir que les Wix, encore une fois, ça a vraiment... J'ai eu qu'une seule réaction négative. Mais c'est normal, c'est quelqu'un à qui on devait de l'argent qu'on n'a pas eu le temps de payer. Ça coûte avec une ardoise. Donc je peux comprendre, je ne peux pas en vouloir, mais... Ouais. Voilà. Ok. Mais sinon, oui, non, tout le monde sur Facebook. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a surpris tout le monde, en plus de d'imaginer. On pensait même, qui allait être dans... vous lâchant dans la liste des trucs pour le truc en or, l'américain, les Oscars, qui donne, pas jamais beaucoup cru, mais ouais. Donc bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu aimerais dire, on a encore un petit peu de temps et t'hésites pas, on a encore une heure et quart. Donc j'ai cru que c'était une heure et demie. Donc on va se dépêcher alors. Je sais pas pourquoi je croyais qu'on finissait à 7h15. Alors Alexis, reprends-toi. On va juste écouter, avant de faire un tout petit bout d'agenda, on va écouter la piste qui vient juste après, qui est la piste 5, qui doit faire une minute à peu près. J'aurais pu jouer la facilité avec Jour de Fête, j'aurais pu reprendre le facteur, c'est un personnage, et puis le facteur vient au ministère des PTT, le facteur se marie, le facteur est mobilisé, enfin le facteur attaque la banque, je sais pas quoi, et... Évidemment, c'était facile. Alors les producteurs, tout le monde aurait été satisfait financièrement. Il n'y avait pas de risque puisque ça avait bien marché. Alors quand ça marche bien, on veut que ça marche bien. On a l'impression qu'on sort un peu comme des boîtes de concert. Je suis content d'avoir eu le droit, enfin c'est déjà très important, c'est un privilège peut-être, d'avoir fait 4 films que j'avais envie de faire. Il y a peut-être énormément de gens qui ont certainement des films qu'ils voudraient faire, qui n'ont même pas encore pu tourner un court-métrage. Bon, j'ai fait 4 films, je les aime, je les ai faits. Mon histoire s'arrête là. Je vois pas pourquoi j'ai empêché personne de tourner. Je ne gêne pas le cinéma qui a l'air de m'en vouloir parce que je fais un peu ce que je veux. Je fais peut-être ce que je veux, mais je paie ça également, cette liberté artistique, je la paie très cher, rassurez-vous. Voilà, donc c'est Jacques Tati, c'était juste, et je trouvais que ça allait bien aussi avec les trois ours, et même avec ce que font l'animation en général, et même ce que disait Gilles à l'instant, en disant, après tout, on n'embête trop personne, et Tati, en effet, qui s'est vu, il a été obligé de revendre tous ses films, il est mort vraiment comme ça, alors en effet, un homme amer, parce que, on l'empêchait tout simplement de créer par la suite, et on lui a quand même enlevé tous ses films, et je trouvais, c'est pas tout à fait évidemment la même chose que trois ours, mais il y a quand même quelque chose, quand on a envie de tenter autre chose, de faire autre chose, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus compliqué aujourd'hui, comme on dit, le cinéma hollywoodien l'a emporté quand même sur pas mal, et je peux l'apprécier aussi, mais je trouve qu'il faut aussi une diversité, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais quel cinéma hollywoodien? Oui, ce cinéma qui l'emporte, on va dire, avec les suites et les séquelles et les choses comme ça. Oui, c'est ça. Qui est un certain cinéma hollywoodien, bien évidemment. C'est dans une interview qu'Azavetz, en effet, on lui demande l'American Way of Life, et il dit, mais quel American Way of Life? Enfin, il y en a beaucoup, si vous êtes selon plusieurs postes. Voilà. Merci en tout cas, Olivier. Très rapidement, petit agenda que je vais faire en premier, et on finira avec l'agenda de Rémi. Oui, j'ai pris l'agenda de Rémi. Voilà, je sais, ça se fait pas, mais... C'est une partie que j'ai à peine rédigée, en plus. Bon, voilà, c'est pour ça. Je vais juste parler de deux festivals, en fait. Un premier festival qui est un festival d'une association qui s'appelle l'AFCA. Ça s'écrit comment? Donc, AFCA, Association Française de la Chirurgie Anessienne. L'AFCA, donc, voilà, qui fait son festival d'animation à Bru, avec plein de choses, évidemment. Soirée d'ouverture avec le chant de la mer de Tom Moore. Toute une journée spéciale québécoise, notamment une soirée avec une rencontre avec Théodore Huchef, des films expérimentaux québécois, une soirée aux couleurs du Québec, l'ONF Terre d'accueil, plein de choses. Les 10 ans de Carambolage avec Florence Mihail, qui devrait être là, on l'espère, pour nous parler, parce qu'elle a fait trois films, en effet, pour Carambolage. Les invités d'honneur sont Gréco et Buffa, avec Carte Blanche, Projection Rencontre, Secret de Fabrication, Exposition, enfin voilà, donc des gens qu'on aime bien, avec des styles de volume absolument passionnants. Une compétition, et un hors compétition, qui en fait sont des panoramas de clips, de films de commande et ateliers de l'année. Alors ça, c'est mon petit message, les gens de l'AFCA le savent, oser faire une compétition aujourd'hui avec 22 films professionnels, il y a quand même quelque chose qui est juste un petit scandale à ce niveau-là, quand on sait la production qu'il y a en France aujourd'hui, en avoir que 22, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Mais j'ai trouvé ça bizarre aussi. Ouais. Hein, on est d'accord. En fait, mais c'est aussi parce que les films sont de plus en plus longs, mais oui, quand même, je trouve que c'est pas. À un moment, on a tellement restreint. Pendant des années, le festival de l'AFCA montrait toute la production, mais la production était beaucoup moindre. Puis, au fur et à mesure, ça s'est restreint. Et là, 22 films, effectivement, moi, je trouve ça vraiment problématique. Hein, c'est vraiment 30 films d'étudiants et 22 films professionnels. Enfin, voilà. Donc, Bru doit faire quelque chose. Peut-être un hors compétition, j'en sais rien, un vrai, mais. Là, il y a quelque chose, en tout cas, à modifier de la part du Festival Le Bruit. Donc, coup de projecteur sur le Québec, je vous l'ai dit. Théodore Huchef, Frédéric Bach, enfin voilà, ONF, hein, quoi, comme d'habitude. Et quelque chose d'intéressant, étape de la création sur musique et son, avec des ciné-concerts, la fabrique, des rencontres, etc. Et moi, mon petit préféré, on va dire, c'est Joseph Wallace et Peter Vax, deux jeunes réalisateurs, qui font un ciné-concert où on les voit faire concert et puis expliquer comment ils animent, etc. Et c'est super ludique. Ça a l'air très, très bien. Le Bruit de l'animation, plein de choses. Et bien sûr, parce que je suis obligé, normalement, quand ils sont pas là, de citer au moins ou Franck ou Gilles tout le temps. Là, je vous ai cité Les Fous d'Anime et Le Défi des Fous avec les autoportraits. Il y aura une galerie d'autoportraits de l'Asie des Fous d'Anime. Vous le savez, hein, c'était le dernier Défi des Fous qui a eu un succès monstre. Les animateurs sont très égocentriques, ils aiment bien se montrer eux-mêmes. Et Valentine en a fait un, hein, et Rémi aussi. Voilà, donc vous pouvez les voir. Ouais, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Et en plus, c'est Yann Song, très talentueux. On peut rajouter pour le Festival Le Bruit qu'il faut s'inscrire avant le 22 novembre. Voilà, merci beaucoup. Et je finis, parce qu'on est en retard. Vous le savez par cœur, le Carrefour de l'animation, on en a déjà parlé, du 4 au 7 décembre, avec plein de choses intéressantes. Rock in My Pockets en avant-première, les derniers films de Rosto, Sarah Vandenboom. Voilà, donc on a tout le fleuron des collectifs, des producteurs indépendants qui vont montrer leurs films, même un des derniers films produits par Les Trois Ours. André Assica 2, enfin pas mal de monde, c'est vraiment intéressant. Et en effet, j'aurai la chance d'être là plusieurs fois pour présenter des rencontres autour de tout en haut du monde, par exemple le long métrage en production de Rémi Chaillet. Et je vous conseille aussi, on va voir ce que ça va donner, mais on a hâte. Une séance le vendredi à 18h30 avec Francis Gavel, que vous connaissez, qui nous fera une rencontre autour du thème plus ou moins animation et politique. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir. Et donc. C'est parti. On va faire une petite pause musicale pour nous laisser reprendre. Et après, on va attaquer ce fameux débat donc sur le manque de cinéma. Moi, j'ai une question. Pourquoi plus ou moins plus ou moins quoi, Francis Gavel, animation et politique. Plus ou moins animation et politique. Pardon. En fait, Francis et le Forum des Images, ce sont. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. C'est plus ou moins. C'est parce qu'en fait, ça sera que sur du long métrage d'animation. Ah. Et je trouve ça un peu. Dommage, d'accord. On va voir comment Francis a réussi à faire ça, parce qu'en effet, il y a tellement de courts-métrages, justement, politiques, animations qui sont passionnants. C'est peut-être trop vaste, d'ailleurs. Que, oui, sauf qu'en long-métrage, je trouve ça un peu. On va voir, c'est pour ça que je. Il y a de quoi faire. Ok. Enfin, les trois courts-métrages d'animation que je connaisse. De long-métrage ? Oui. Persepolis, Valsa avec Bachir et. Non, Bernard et Bianca, le long-métrage. et... Allez, on va. Belle. on va juste. Gare 3. juste parce que ça fait partie des musiques que moi j'adore et je sais que même si c'est un réalisateur qui n'est pas forcément apprécié autour de la table, notamment d'une personne qui est à ma droite, évidemment vous n'avez pas la vidéo donc vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit de Franck Dion. On va entendre une musique évidemment super célèbre d'un film qui s'appelle Le Mépris. Mais la musique est très bonne. De Jean-Luc Godard, voilà, de Delru. Camille, et on enchaînera sur le petit morceau qui est juste après aussi. On écoute et on revient d'ici trois petites minutes. À tout de suite. fait, je vais vous réexpliquer ma petite théorie. Exactement. Depuis que je n'ai pas vu Michel Simon, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les plans n'existent pas. J'ai appris qu'on ne découvre le sens d'un travail que lorsque le travail est terminé. On fait un film, et au départ du film, on dit, je vais prouver une loi de la pesanteur. Il se trouve que le film étant terminé, on ne prouve pas du tout la loi de la pesanteur, on ne prouve rien du tout. Et donc vous faites un film en ne voulant rien prouver, mais vous le faites. Alors, voyez-vous, vous prenez ces soucoupes, vous les empilez, les unes sur les autres, ça fait une espèce de tour. Et cette tour prouve l'existence de Dieu. Mais en commençant la tour, vous n'aviez voulu rien prouver du tout. Très mauvais, hein? C'est bon. C'est merveilleux. Très mauvais. C'est merveilleux. Tout ça ne nous engage pas tellement. Heureusement. Imaginez que ça nous engage. Ça serait terrible. Donc, Bulle de rêve, évidemment, l'émission 100% animation sur Radio Liberté. J'ai oublié de dire, si vous l'appelez, c'est 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. C'était, alors, bien sûr, après Delerue, Le Mépris et Godard, c'était Jean Renoir et Michel Simon. Pourquoi commencer avec Jean Renoir et Michel Simon? C'est parce que j'aime beaucoup, Jean Renoir explique quelque chose, donc devant la caméra de Rivette, et il dit, bah voilà, on croit qu'on va dire quelque chose, et à la fin, bah finalement, on se rend compte qu'on dit pas grand chose, donc on dit autre chose à côté. Et à la fin, il dit, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et Michel Simon dit, bah oui, ça nous engage à rien, de toute façon, on peut le dire. C'est un peu ça la discussion qu'on a aujourd'hui. C'est pas que ça nous engage à rien, loin de là. J'espère qu'on va avancer sur des terrains qui sont intéressants. Mais il est évident que ce n'est qu'un début de débat. Que et j'avais préparé ce petit topo bien avant des messages sur Facebook. On me disait déjà qu'on n'allait pas aller loin, etc. C'est un début de discussion. C'est voilà, qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, cette idée de manque de cinéma. Qu'est-ce qu'il soit, l'animation est quelque chose qui déborde l'idée du cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler du travail de Blue qui travaille sur des murs en faisant de l'animation sur des murs comme du cinéma et peut-être comme autre chose. Alexeïev, je voulais commencer avec des phrases comme ça d'Alexeïev. Alexeïev le disait, non, et comme un beaux-arts. Donc c'est à dire que l'animation est très large, et le cinéma en est une partie, mais ça veut dire que si on fait du cinéma d'animation, dans ce cas-là, il faut bien le faire, en tout cas, il faut voilà, travailler ça. Donc, il y a toute cette idée-là, et pour lancer le débat, j'ai été chercher plusieurs interviews de réalisateurs, et je vais vous demander, sur ces bases-là, de réagir, de voir s'il y a des choses qu'on n'a pas dit, etc. On va commencer avec un réalisateur, ça sera le seul, un réalisateur d'animation, malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Ken Satoshi, qui est un réalisateur japonais, et vous n'allez évidemment rien comprendre, mais c'est comme ça que se fait l'émission, puisque vous allez entendre une minute de japonais, donc à Paris-Lan, s'il nous écoute, et quelques-uns d'entre vous qui connaissent japonais, après vous n'inquiétez pas, je traduirai, mais donc on écoute... juste le numéro 8, ça fait une petite minute. Merci Nicolas. Et voilà comment on est. Parce qu'évidemment, on n'a pas vraiment écouté, parce que la plupart d'entre nous ne comprenons pas le japonais, et on commençait à discuter, et pour tout vous dire, à manger un petit peu. On arrête. Je vais vous traduire ce que disait Ken Satoshi. C'est dans une rencontre qui s'est faite lors des rencontres qui se faisaient au Forum des images sur l'animation japonaise. Et voilà ce qu'il dit à propos du progrès d'animation. Parce qu'ils parlent avant, ils disent l'animation a connu un grand progrès, notamment humaniste, etc. Les gens travaillent moins, enfin bon, tout un truc. Donc voilà, ça veut dire ça, mais c'est l'autre partie qui m'intéresse. Donc à propos du progrès d'animation, le graphisme est toujours privilégié. car ce sont d'anciens animateurs qui sont metteurs en scène, c'est inévitable. Seul compte le graphisme. On a tendance à faire de l'animation sans avoir conscience de faire un film. Pour juger la qualité d'un film d'animation, on ne parle que de ce qu'on voit à l'écran. La technicité de ces œuvres est très avancée alors que leur contenu n'a aucun sens. Moi, je pense qu'avoir envie de faire de l'animation, c'est avoir envie de faire un film en utilisant l'animation comme moyen. L'idée de juger la qualité du graphisme me fait peur. Est-ce que c'est quelque chose qui est l'une des tares du cinéma, encore une fois, d'animation? J'aime évidemment cette idée de graphisme et pour moi, c'est fort et c'est important. Mais j'ai l'impression de ne juger que sur le graphisme et finalement pas forcément sur la mise en scène, sur le scénario, sur des choses comme ça. Gilles. Ce que dit Satoshi Kon, on peut finir l'émission là-dessus pour moi. Donc, moi, c'est une question que je me suis posée, qu'on m'a posée souvent, c'est pourquoi tu fais ce film-là ou pourquoi en animation? Pourquoi l'animation? Et ça me faisait presque culpabiliser d'avoir choisi l'animation. Mais tu pourrais le faire en prise de vue réelle, ce film. Et donc, je me posais la question pourquoi faire ce film-là en animation? Et comme le dit donc, ce réalisateur japonais. C'est un moyen, et après, voilà, on fait un film. Donc, là, ça va être très générique. On va aller plus dans le détail. Oui, plus tard. Après, il y aura d'autres pères, voilà. Mais c'est ma façon maintenant de penser. Enfin, j'essaye en tout cas de m'y tenir. Voilà, je fais un film avant toute chose, avant de faire de l'animation. Parce que finalement, dans Chahut et dans Love Patate, il y a quelques scènes qui mériteraient donc des effets spéciaux en animation, hein, mais finalement peu. Il y a la scène des poissons, on va dire vraiment, si on devait, et encore. Presque la faire, peut-être pas de cette manière-là. Et dans Love Patate. Oui, et puis en même temps, les films seraient faits en prise de vue réelle, ils seraient totalement différents. Ouais. Donc voilà, donc l'animation, même si c'est sur des sujets. Quand Satoshi Kon fait Tokyo Godfather, on pourrait très bien dire, qui est déjà un remake d'un film de John Ford, mais pourquoi il ne l'a pas fait en prise de vue réelle? Ce qu'on ne va pas dire peut-être de Paprika, où c'est un univers plus fantastique. Où là, l'animation est, disons, plus de légitimité, peut-être, pour un public, pour un certain public. Dans Tokyo Godfather, qui est très réaliste dans bien des domaines, dans les décors, dans l'animation, dans la mise en scène même, peut-être. Encore que. Ouais, voilà, donc c'est une question qui pour moi, est la base finalement, de cette émission. C'est pourquoi choisir l'animation ou la prise de vue réelle? Est-ce que ça a un sens de faire un choix? Alors j'ai commencé par là pour ensuite rentrer dans le détail sur différents postes, hein, vous allez voir. Moi c'est quand même quelque chose, je vois souvent maintenant les critiques, et en effet par exemple on va voir un court-métrage, et alors beaucoup sur internet c'est comme ça aujourd'hui, et on fait « oh ça déchire », et d'un seul coup quand on rentre un peu dans le détail en disant « mais qu'est-ce que t'as aimé ?» et les gens font « c'est super beau ». Qu'est-ce que t'as aimé? C'est super beau. T'oublies un truc, c'est que moi j'ai lu l'autre jour, ça envoie du bois. Oui, donc... Ou du pâté. Ah, je connaissais pas le pâté. Ça envoie du pâté, si. C'est du pâté, voilà, j'ai noté. C'est... Non, mais est-ce que ça, c'est l'une des. Encore une fois, l'idée n'est pas. Enfin, je pense qu'autour de la table, à part Franck évidemment qui va réagir, on aime tous l'animation. Pas forcément. Voilà. Et donc, à part Rémi évidemment, c'est pour ça qu'on a mis Franck et Rémi du même côté. Non, mais on aime à peu près tous l'animation pour être. Voilà, pour reprendre le débat. Ça, c'est pour moi, c'est important. Donc, c'est pas une critique là, du cinéma d'animation, loin de là. Au contraire, c'est vraiment l'idée de cette diversité, d'aller plus loin. Et je trouve que c'est quelque chose qui, de plus en plus, est comme ça. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers cette idée. Et que même dans les courts-métrages, parce que justement, on me disait, ah oui, mais ce serait plutôt dans les clips, dans les séries. Mais c'est pas vraiment ça. Dans les courts-métrages aussi, on a beaucoup de courts-métrages qui sont là énormément pour le graphisme. Olivier ? Mais moi, je crois que si j'aime l'animation, c'est justement parce qu'il déborde du cinéma. Et ce que j'aime dans l'animation, c'est sa variété. On a des vraies propositions de cinéma parfois, dans des courts-métrages, mais on a aussi des choses qui, effectivement, relèvent peut-être pas forcément du cinéma. Enfin, bon, ça dépend de la définition qu'on donne de cinéma. Mais en tout cas, c'est des propositions qui ne ressemblent pas du tout au cinéma en vue réelle, effectivement, qui peuvent être... lié à un travail graphique, un travail sur le mouvement, un travail sur ou un travail sonore aussi, et ça donne des films, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma en vue réelle. Ce qui me paraît très gênant, c'est si l'animation se renfermait dans quelque chose, comme ça l'a été peut-être davantage à une époque. D'accord, tu trouves que ça change? Je trouve qu'on est plutôt sur une ouverture et qu'on a des propositions qui sont extrêmement diverses de ce point de vue-là. Mais je veux qu'il y ait des propositions diverses, et même qu'il y ait des choses qui ressemblent à des installations, ou de l'art contemporain, ou des choses comme ça, ou de l'art vidéo. Je trouve que c'est ça la richesse de l'animation. Mais sauf que je disais au début, c'est pas dans ce cas-là, et encore une fois, c'est... Ça n'empêche en effet la qualité de ce genre de choses, mais c'est pas du cinéma. Bah peut-être pas, mais c'est bien. Mais quand c'est même. Bien sûr, oui. C'est quand oui. même des films. Et... Mais est-ce qu'on a beaucoup finalement de cinéma? Est-ce que c'est des films? C'est... Si, c'est techniquement c'est des films. Après, est-ce que la question, ça peut être, est-ce que c'est des propositions de cinéma? C'est peut-être ça qui sous-tend ouais. ta question. Certains, non. Clairement, non. C'est juste pour le plaisir ou parce que ça envoie du bois ou je sais pas. Mais pourquoi pas si c'est... Bien sûr, oui. Moi, je suis prêt à me laisser séduire par des trucs comme ça aussi. Pas que ça, parce que sinon, au bout d'un moment, je m'ennuie. Mais voilà, que tout ça coexiste et se rencontre dans des programmes, c'est ça qui est formidable. On a un programme avec 10 films et puis on a des propositions qui sont complètement différentes de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est excitant, je trouve. Là, récemment, le week-end dernier, là, j'étais dans le Pays Basque, dans un festival de courts-métrages où j'officiais comme jury, il y avait très peu d'animation. Donc j'ai eu beaucoup de programmes, beaucoup de films de vue réelle à la suite, comme ça. Et les films étaient bien, hein, mais quelque part, il n'y a pas l'excitation. Il n'y a pas l'excitation de se dire sur quoi j'ai tombé, quoi. Quand on voit des courts-métrages d'animation, moi j'ai toujours cette excitation de me dire ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, mais j'ai l'impression que je vais avoir des propositions inédites, des trucs que j'ai jamais vus avant, quoi. Des formes de cinéma que je connais pas. Mais alors, tu me disais une fois, c'était intéressant, je te disais, c'est dommage, je pense que l'animation, il pourrait y avoir des Tarkovsky dans l'animation. Tu me disais, on en a, sauf qu'évidemment, ils travaillent de manière différente. Et n'ont pas le même langage. Ça veut dire que finalement, un langage cinématographique, et on va le voir, qui se développe sur plusieurs choses, par exemple, en animation, on ne peut pas avoir ce langage cinématographique de la prise de vue réelle dans l'animation. On en a une partie, mais pas tout. Franck, si vous avez évidemment... Si, moi je pense que si, ouais. Mais après, Tarkovsky, il n'y en a qu'un, donc on ne peut pas... Voilà. Mais il y a des poètes aussi puissants en animation. Norstein, c'est un poète aussi qui a la même puissance qu'un Tarkovsky, je pense, mais très différemment. Donc cette idée du graphisme ne vous paraît pas quelque chose fondamental dans le fait que, dans notre idée, encore une fois, je le répète, mais je vais le répéter longtemps dans cette émission, c'est qu'on est... On est d'accord, c'est un piège. On peut s'enfermer dedans. Mais ça peut quand même être intéressant de ce point de vue-là. D'accord. Donc ce n'est pas un problème. Passons. on va avancer, on l'a dit, hein, c'était un peu une émission. Moi, je n'ai pas dit ça, je réfléchis. Ah bon, d'accord. Parce qu'en effet, l'idée, je ne veux pas, encore une fois, c'est... Non mais c'est paradoxal parce que... Après, je te laisse parler. Parce que finalement, la façon dont on arrive à monter ces projets de court-métrage, parce qu'on parle avant tout de court-métrage, là... On les monte sur une idée qui est une idée de scénario. Donc on est a priori, on n'est même plus dans une notion de cinéma ou de graphisme ou de. Bon, le graphisme joue un petit peu, mais c'est avant tout sur une histoire qu'on raconte. Mais c'est pas du cinéma, une histoire qu'on raconte. Donc on se base sur le scénario et parfois on a des propositions de cinéma, mais qui sont quand même difficiles à passer sur un dossier papier, enfin, en tout cas, c'est un exercice difficile. Certains y arrivent, mais c'est un exercice difficile. Et au bout du compte, on a des films qui sont plutôt des propositions, effectivement, visuelles, graphiques ou de mouvements. Voilà. Franck ? Non, je sais plus ce que je veux dire. Bon, alors on va enchaîner. Est-ce qu'on peut écouter juste, Nicolas, le morceau qui est juste après, qui doit faire 2 minutes ? Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de metteur en scène, justement? Des propositions et une aventure à jouer. Parce que comment voulez-vous? Un metteur en scène vient me voir en me disant « Je sais ce que vous allez faire. » Eh bien, il est bien malin. Moi, je dis « C'est fini. » Alors, votre film, il est terminé à partir de ce moment-là. Si vous n'avez pas besoin de moi, va aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'amuse pas. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, c'est lui qui a la prétention de savoir. Parce que c'est le contraire du métier de comédien. Et même, je crois, c'est le contraire de l'aventure du spectacle. Pour un metteur en scène qui sait ce qu'il va faire, Je trouve ça terrible, n'est-ce pas ? Qu'on prenne toutes ces précautions, qu'on ait une belle histoire, des dialogues, etc. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là que des choses commencent. Il faut rêver, il faut improviser. Bon, par exemple, moi, je tourne, j'aime bien si on me demande... Si je fais 6 prises, ben, je ne vais pas faire 6 fois la même prise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors, il y a des metteurs en scène. Par exemple, j'ai tourné avec Chabrol, lui, il en fait une. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, c'est formidable, c'est très bien, terminé. Il dit, alors on en fait... Mais il dit, non, c'est bien ! Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça va, la suite ! Alors là, d'accord. Moi, je suis d'accord aussi là-dessus. Mais si le metteur en scène dit, c'est bien, on essaie de la refaire. Pourquoi ? C'est pas... Bon, alors, on veut bien la refaire aussi. Moi, je veux bien en faire 50. Mais elles vont être 50 fois différentes. C'est les gens qui vous provoquent, qui vous font faire des progrès. Alors il y a des progrès comme ça. Les progrès, c'est comme si vous me demandiez quel est votre film préféré, vous savez que vous avez préféré tourner. Mais je vous dirais, il n'y en a aucun. Mais par contre, je sais qu'il y a dans certains films, des fois, une scène. Et des fois, même pas une scène. La moitié d'une scène où je me dis, tiens, là, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Je veux dire, il y a quelque chose de mystérieux et il y a quelque chose qui est une indication. Enfin, ce qui me fait aimer ce métier, c'est ça, vous voyez. C'est ces moments rares qu'il peut y avoir dans un film. Mais progresser, non, parce que c'est les histoires. On peut pas, il faut, vous savez, il faut être quand même, on peut pas, on n'est pas tout seul. Je veux dire, il faut une histoire, il faut un metteur en scène, il faut être bien photographié, il faut avoir des beaux décors, il faut être bien habillé. Tout ça, ça compte. Il faut pas raconter, n'est-ce pas, il faut le dire. Michel Serrault, qui parlait de son travail d'acteur et de son travail avec le réalisateur, et qui travaillait de l'équipe, qui parlait de l'équipe. Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque ? Il y a des équipes dans l'animation, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui manque des fois d'avoir ce travail avec un acteur qui d'un seul coup au tournage va par modifier, mais en tout cas va bouleverser finalement le scénario, ce qui a été proposé. Est-ce que ça manque pas ça dans le cinéma d'animation ? Franck ? Par essence, je crois que non, c'est antinomique avec le principe même, le process même de fabrication d'un film d'animation qui ne procède pas du tout par. Qui finalement laisse très peu de place à l'improvisation. Je crois qu'on est beaucoup à le regretter, hein, bien que adorant l'animation, mais c'est comme ça. C'est qu'on ne peut pas, ou alors on a un budget illimité et on passe 5 ans sur un film. Bon, moi, passer 5 ans sur 17 minutes, ça ne m'intéresse pas. Je m'en tape total. Je veux dire, je préfère éplucher des patates. Mais. Oui, c'est intéressant d'imaginer un jour que sur l'idée d'un scénario établi, d'un storyboard établi, par exemple, d'un animatique qui est fait, donc le storyboard filmé, mis bout à bout, sonorisé, pour donner une idée de ce que va donner le film dans sa finalité, pourquoi pas, ce serait intéressant d'imaginer qu'un animateur foute la merde là-dedans en disant, bah non, moi j'ai décidé que ce personnage-là, je l'anime plus comme ça. Je pense que si je l'animais comme ça, il serait plus intéressant. Gilles ? Ouais, là, tu parles... De toi ? Oui. Oui, justement, toi, en tant qu'animateur, Gilles. Par exemple. Non, mais tu parles de films narratifs avec un découpage, disons, un peu classique, mais on peut improviser en animation si tu fais de l'abstrait, si tu fais des films un peu plus expérimentaux. Tout à fait. Moi, je parlais pas du tout de ça. Voilà, oui, donc, bien sûr. Voilà, bien donc bien c'est vrai que c'est à mettre dans un certain contexte. Absolument. Mais est-ce que toi, tu te vois en tant qu'animateur, ce que tu disais, c'est d'un seul coup, pas forcément, mais d'un seul coup, dire là, c'est dommage, ce storyboard, il est un petit peu coincé par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait pas tenter ? Ou alors, est-ce qu'une fois qu'on est dans le process complètement de l'anime, de toute façon, c'est un peu délirant ce que je dis, et moi qui fais pas d'animation, je suis complètement à la masse. Ça dépend vraiment des réals. Ouais. Franck, par exemple, c'est très. Pour avoir bossé plusieurs fois avec Franck, ça va être très. Stalinien, très stalinien. Tu peux le dire. Oui, c'est le goulag de bosser avec Franck. Non, mais il a sa vision des choses en tout cas. Il a sa vision, donc c'est très clair. On comprend tout de suite avec l'animatique. Avec voilà. Moi, je fais un storyboard. Il n'y a que moi qui peux le lire sur Love Patate. Oui, je devais t'expliquer à chaque fois. Hein. mais parce que je voulais dans ce film-là. Alors, ça a plus ou moins bien marché, mais je voulais justement essayer de pouvoir improviser. Chose qui paraît impossible, mais voilà, moi ça me manquait de pouvoir, enfin de ne pas pouvoir improviser. C'est pour ça que j'ai fait un storyboard très, voilà, enfin, que je pourrais même pas relire aujourd'hui. Ouais. Parce que je voulais me laisser la possibilité de changer tout le plus tard possible. Voilà, après, ça ne marche pas forcément tout le temps. Hein. En même temps, quel est l'intérêt? Parce que c'est très bien de parler d'improvisation, de choses jetées comme ça, bidule. Bon. En même temps, le cinéma, c'est quoi? C'est aussi amené, de la part du metteur en scène, c'est aussi amener un point de vue, imposer un point de vue. Le cinéma est en ce sens très autoritaire, très autoritariste, à savoir que c'est vraiment le point de vue de l'auteur, du réalisateur qui prime. Si vous voulez un point de vue, allez voir ailleurs. Oui, sauf que par exemple, j'allais prendre comme exemple, Eric Goldberg parle de Robin Williams sur, par rapport au génie d'Aladin en disant qu'à un moment donné, alors en effet, il n'y a pas de réalisateur particulier chez Disney, il y en a, mais ils sont plus là pour travailler sur l'équipe, enfin en tout cas pour coordonner tout ça, on va dire, et que d'un seul coup, Robin Williams faisant la voix, il déborde complètement sur ce que les animateurs avaient commencé à faire, etc. Et ils se disent, ben, on va le laisser. Ben oui. Parce que c'est d'un seul coup un apport qui est exceptionnel au film, et si on le coupe, on se coupe de quelque chose. Mais ben, attends, contrairement à ce que dit Gilles, qui raconte pas toujours des choses exactes, moi il m'est arrivé, d'ailleurs avec lui, d'avoir des propositions d'animation, parce que j'ai, au-delà du fait que, moi en tant que réalisateur, je sais ce que je veux. La vie des autres m'intéresse pas du tout. S'ils veulent donner leur avis, ils font leur film. Alors je sais que bon, on n'aime pas les gens autoritaires et les gens. Enfin, on aime. C'est pas que je suis même pas autoritaire, mais on n'aime pas les gens qui savent ce qu'ils veulent. Il faut feindre d'être sympa, d'être open. Moi, c'est pas mon cas. Je suis ni open ni fun. J'ai une idée, je le fais. Et ni même sympa. Ouais. Moi, j'ai envie de faire un film, je le fais. J'essaye de m'en donner les moyens. En revanche, lorsque je travaille avec des animateurs, je considère toujours les animateurs comme étant des comédiens, puisque moi, c'est un petit peu ma culture et ma formation. Et je sais combien un animateur peut embellir un projet. Et il m'est arrivé de voir des propositions, que ce soit de Gilles, ou de Gabriel, enfin de Claire, de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler en animation, qui, d'un seul coup, remettent un tout petit peu en question, je dis un tout petit peu parce que les choses sont quand même très balisées, mais la manière dont la scène va se dérouler. Donc, effectivement, si vraiment on fait confiance en personne, et tout ça repose sur la confiance et sur le... Donc l'improvisation, elle peut, à mon sens, avoir lieu là-dessus, sur ces petites choses-là, à savoir. Mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu me proposes? Et la personne, de toute façon, si on travaille avec des artistes et non pas avec des faiseurs, ils vont vous proposer obligatoirement quelque chose. Olivier? Ouais, moi j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, je pense que moi j'ai vécu quand même un exemple de film où il y a une part d'improvisation, c'est Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, parce qu'il y a quand même eu entre l'idée initiale, enfin ce qui était conçu au départ du film et le résultat final, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, qui ont été inventées au cours du film. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le projet n'était pas finalement si convaincant que ça au bout du compte. Hein. Et donc, il fallait changer des choses. Mais aussi, je pense, probablement à cause de la façon de travailler de la réalisatrice, alors, qui est probablement différente de Franck de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'elle avait la capacité, elle, de se nourrir de ses recherches. C'est-à-dire qu'elle savait très bien ce qu'elle voulait, sur le fond, faire passer dans le film, mais elle a laissé ouvert la porte sur la façon dont elle allait finalement le transmettre. Elle était très ouverte aussi, d'ailleurs, au moment où la voix... Je vois Franck qui me regarde un peu bizarrement, il ne comprend pas vraiment ce que je dis. C'est-à-dire que... Si, mais je ne suis pas... C'est-à-dire qu'elle est dangereuse. Elle-même... Sur le point de production, par exemple. Alors, je suis d'accord que d'un point de vue producteur, c'est pas terrible. Moi, je suis producteur et réalisateur. Quand je fais un film, j'aime bien ne pas me poser non plus des... Enfin, bon, ne pas mettre en danger mais les gens avec qui je travaille. Non, mais c'est vrai. Avec les ambitions de réalisateur. Je suis d'accord que pour des questions de production en animation, c'est très dangereux comme façon de faire. On est bien d'accord. Parce que les hésitations... Mais néanmoins, artistiquement, ça peut être très fructueux. Oui, mais le problème, c'est que certains artistes maquillent avantageusement la bouillie qu'ils ont dans la tête, savoir le rien du tout, en faisant passer ça pour des décisions artistiques. C'est vrai. Des errances c'est vrai. Artistiques. Et ça, ça me dérange, parce que pour moi, c'est le mérite intellectuel. C'est vrai, mais je pensais plus une question de... C'est pas du tout... Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. Je pense que c'est plus un problème de personnalité, en fait, hein, cette histoire-là. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai remarqué, on a une activité en commun, Alexis et moi, on modère des tables rondes, vous me direz, pas forcément le rapport avec les films, et pourtant, il y a un rapport, c'est que quand on prépare une table ronde, on pense à un certain nombre de choses qu'on va aborder, etc., et puis, il y a des moments où les trucs vous échappent, comme ça, et souvent, les trucs qui vous échappent, il y a des vérités qui sortent de là, et c'est souvent les choses les plus intéressantes. Ça veut dire que quand on conçoit un truc, je sais pas, ça peut être un livre, un film ou une rencontre, je sais pas, on a quand même on se délimite les choses. Ce qui nous permet d'avoir un propos probablement très cadré, très précis et à mener à bien ce qu'on veut dire. Mais parfois, quand on est bousculé, perturbé par quelque chose ou qu'on se pose des questions, qu'on a un doute, ben, ça permet de révéler des choses qu'on avait peut-être en soi, mais qui n'avaient pas émergé, en quelque sorte. Donc voilà, peut-être l'idée d'émerger quelque chose en plus, ça peut venir avec la rencontre avec un acteur ou un animateur qui finalement vous dit, mais oui, en fait, c'était là, mais peut-être j'y avais pas pensé, quoi. Voilà. Ou l'idée de Cero, c'est vraiment l'idée de l'équipe. C'est-à-dire finalement, oui. Comme en effet on peut travailler avec un studio avec lequel on s'entend bien et on travaille avec, et d'un seul coup d'avoir des gens qui viennent modifier, perturber, comme tu disais, finalement quelque chose. Et avantageusement, bien évidemment. Parfois ça peut être complètement parasitaire et non productif, etc. On est bien d'accord. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'à ce moment-là, le maître d'œuvre, le réalisateur en l'occurrence, ait une idée très précise de ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas malgré tout. Ok, ça sur cette idée du tournage ou quoi, ou est-ce que toi qui as fait un tournage en volume, est-ce qu'il y a des choses où d'un seul coup on se dit justement là on est plus, c'est presque la manière de tourner en animation qui est la plus proche donc de la prise de vue réelle avec un tournage en vrai comme ça, est-ce qu'on peut... En fait pas du tout. Pas du tout non plus. En fait je m'en rends compte au regard de l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai détesté le tournage de mon premier film qui était un tournage en volume. Pourtant, je sais que je connaissais bien le volume, pas en tant qu'animateur, mais en tant que sculpteur. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est très tendance. Et ça me fait bien marrer, d'ailleurs. Parce qu'il y a, dans les années 90, ça n'intéressait personne. Et je trouve que la vraie liberté, justement, quelque chose qui peut plus s'approcher d'une forme d'improvisation, c'est les outils de la nouvelle technologie qui nous le propose, notamment la 3D. Je trouve que c'est un outil véritablement révolutionnaire en ce sens-là. C'est que ça permet d'improviser plus de choses, contrairement à des choses que je trouve finalement très réactionnaires en termes de... Je trouve qu'il y a un propos réactionnaire sur le volume aujourd'hui. Les gens ont besoin de se rassurer, à sentir du palpable, du fabriqué, du fait maison. Il y a un côté très bobo, très chiant, authentique, qui me gonfle d'autant plus que à la fin des années 80, moi j'ai commencé, je faisais que du volume. Ça n'intéressait personne. Que j'essayais de mélanger avec de la photo, etc., bidule. Les gens étaient fascinés. En fait, t'es jaloux. Ouais, peut-être d'être tombé au mauvais endroit. Non, mais je suis surtout jaloux par la mauvaise foi certaine, je trouve, à mon sens, et les débilités qu'on peut entendre sur la 3D, par exemple. Oui, des gens qui disent, moi, c'est la 3D, c'est comme les connards de religieux qui veulent pas bouffer ceci, ou qui veulent bouffer du poisson, machin. Enfin, je trouve ça une débilité. Je pense quand même, juste pour... Par rapport à ça, l'envie de matière, en tout cas, qui est voulue notamment par beaucoup d'étudiants, et aussi le fait qu'en effet, aujourd'hui, il y a une, malgré tout, une dictature de la synthèse qui fait que si tu sors pas d'une école aussi où il y a synthèse, le logiciel, en animation, il y a beaucoup de gens, alors pas en cours. Aujourd'hui, par exemple, tu trouves moins de boulot quand tu sors des Gobelins, quand tu sors de Supafocom, par exemple. Beaucoup de séries se font à travers des logiciels, synthèse. On parle d'animation dans l'industrie. Moi, je vous parle plus. Non, parce que le volume, par exemple, je connais mieux celui du court métrage. Oui, mais le volume, par exemple, est intéressant aujourd'hui en long métrage quand Wes Anderson annonce un remake d'un Vittorio De Sica des années 50, voilà, en volume ou des choses comme ça. ça, il y a des choses qui se font aussi, mais qui est un autre débat, enfin, qui serait intéressant, mais qui serait. Pour moi, est profondément réactionnaire. Mais on passerait sur autre chose. On va faire une toute petite pause, très rapide. J'aurais voulu vous passer, on ne va pas passer le petit extrait 9A, qui était normalement Martin Scorsese, et je vous en parlerai un petit peu, mais qui va parler de son angoisse de savoir où il mettait la caméra. Il y a un moment donné, dans un hôtel, il dit j'étais à l'hôtel Meurice à Paris, et il s'est réveillé en pleine nuit en se demandant où est-ce que je mets la caméra exactement dans la pièce. Et je me disais que c'était des fois plus difficile pour l'animateur, non pas évidemment, c'est pas impossible, loin de là, pour le réalisateur dans l'animation, parce qu'évidemment, il n'a pas forcément une pièce comme là, l'émission, le studio de radio, il se dit ben, tiens, si je veux avoir Rémi, Franck, etc., où est-ce que je mets la caméra, mais qu'il est obligé de se créer son plan de tournage finalement dans la tête. Gilles, est-ce que ça c'est une complexité ou par rapport au réalisateur d'anime, encore une fois? Je trouve ça plus simple en animation de placer une caméra qu'en prise de vue réelle. On peut beaucoup plus tricher. Voilà, là le studio est tout petit, ta caméra, les techniciens, t'as aucun recul. C'est très compliqué de filmer dans cette pièce, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que quand on triche, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, notamment toi qui es prof aussi, qui d'un seul coup vont se permettre de faire des mouvements qui font aussi un peu n'importe quoi, c'est des fois? C'est une tentation, parce que c'est plus facile de faire un grand angle pas possible, un fisheye, voilà, mais ça c'est peut-être juste des tics de. Il faut bien, quand t'as un jouet, tu joues avec et puis tu vois ce qu'il peut faire, puis après tu t'en sers de façon plus réfléchie. Est-ce qu'il y a quelqu'un par rapport à ça, Olivier, Franck? Non, je demande pas Rémi. Et... Ah oui, moi je pense que la grande Valentine, mais évidemment si l'extraordinaire du cinéma d'animation, parce que disait Olivier tout à l'heure, c'est aussi sa diversité quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même le grand avantage de l'animation, c'est qu'on peut avoir une traduction graphique qui est formidable. C'est vrai que là, on va s'emmerder si on a une caméra, même la meilleure du monde, avec tous les objectifs qu'il faut. Tandis que l'animateur, lui, si on est dans le dessin, par exemple, la représentation... Sauf que le cinéma, par exemple, quelqu'un comme Samuel Fuller va vous dire bah, « Tiens, là, j'ai pas de place, il faut que j'arrive à mettre la caméra. » Il va tenter de mettre la caméra et finalement, donc, faire un plan qui sera peut-être pas forcément celui qu'il a voulu au début, mais qui va être un plan qui est en rapport, justement, avec... l'architecture, on va dire, qui est autour de lui. Et donc, la topologie des lieux. Donc voilà, être contraint finalement avec cette réalité. Dans l'Atalante de Jean Vigo, voilà, dans la péniche, c'était un espace réduit. Je crois qu'ils ont reconstitué la cabine, mais aux mêmes dimensions que la vraie péniche, pour avoir les mêmes contraintes et garder finalement un espace confiné de ce lieu. Il n'y avait pas de paroi amovible pour pouvoir avoir le recul. Je ne me souviens plus. Qui aurait été impossible. Allez, on va donc faire une petite pause juste à, donc c'est la 10. Un autre grand monsieur, en tout cas intéressant, la musique de film, c'est Howard Shore, avant de faire ses grands trucs là pour Peter Jackson. Il travaille notamment pour David Cronenberg. On va entendre le générique du Festin nu. À tout de suite. Alors oui, donc bien sûr, Bulle de rêve, et vous aviez donc Howard Shore qui, avec Cronenberg, pour Le festin nu. On va écouter de suite bah, juste ce qui vient après, s'il te plaît, Nicolas. Ça pourrait être un écran dans une salle. Et là, ça n'est pas un, c'est une feuille de papier. Je suis metteur en scène de film et j'écris mon scénario. Donc, le film sera projeté sur cet écran dans des mois et des mois. Et pour l'instant, il faut que j'écrive. J'ai l'habitude de bouger. Mon travail, c'est d'être debout et d'être actif et de parler avec des tas de gens. En réalité, en ce moment et pendant des semaines et des semaines, il faut que j'écrive sur cette feuille de papier. Je ne suis pas écrivain. Et pourtant, je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'écrive pour communiquer mes idées aux producteurs, aux distributeurs, aux techniciens, aux acteurs, à la commission d'avance sur recette, etc. Alors je coupe cette feuille de papier en deux, je la coupe pas, je la plie en deux, et puis à gauche, je vais écrire le son, à l'image plutôt, et à droite, le son. Description de l'image, le son, dialogue, musique, éventuellement bruit expressif. Alors c'est dommage, Valentine n'est pas là, elle est au téléphone, sinon elle aurait pu nous dire qui c'était. Elle est toujours au téléphone, hein. Oui, elle est au téléphone, tant pis. Alors, c'était Alain Cavalier, donc réalisateur français, bien sûr. Je trouve ça intéressant, la Une carrière intéressante, d'ailleurs. Qui a une carrière vraiment passionnante. En effet, il commence hein, avec des gros atypique. Budgets, etc., qui va petit à petit sur des choses de plus en plus personnelles, enfin, mais dans le sens vraiment se filmer. Je trouve intéressant, est-ce que le scénario... C'est l'une des grandes différences qu'il y a. On sait bien que souvent, et c'est pas toujours le cas, on utilise, c'est plutôt le storyboard qui est mis en avant en animation et pas le scénario. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment différent dans les deux? Gilles, tu disais justement, ce serait intéressant de dire qu'est-ce que c'est qu'un film d'animation, de prise de vue réelle. Voilà. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont différentes ou non? On l'écrit de toute façon de la même manière. Gilles, oui, c'est peut-être une colle, hein, Olivier ou Franck. Hein. Moi, je pense que ça dépend des films. Ouais. Il y a des films qui s'écrivent comme on pourrait écrire une fiction. Après, il y a d'autres films, ben non. C'est justement parce que ça passe par avant tout un langage visuel. Donc, c'est vrai qu'à transcrire sur une feuille de papier, c'est très compliqué. Quoi. Ça devient un exercice pas impossible, peut-être pas impossible, mais quand même très très compliqué. Quoi. Et il y a d'ailleurs en animation des storyboards qui se font et le scénario se fait après pour les commissions, par exemple. C'est assez courant, ça. Oui, moi je... Mais est-ce que c'est pas un problème? Je sais qu'on entend souvent, pourquoi on parle du scénario, on entend souvent cette fameuse phrase, je le disais là, hors antenne, oh là là, mais en animation, c'est ce qui manque, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de scénario. Me rendant compte, moi, dans certaines commissions, voir beaucoup de films de prise de vue réelle, et me rendre compte qu'il n'y a pas qu'en animation où ça manque de toute façon. C'est pas parce que les gens de la prise de vue réelle n'ont aucun recul sur leur propre travail qu'ils n'ont pas tort lorsqu'ils parlent. Lorsqu'il dit ça des films d'animation. Oui, j'ai pas le contraire, oui, bien sûr. Oui. Parce que autant, moi, je trouve ça gonflé de la part de beaucoup de producteurs ou beaucoup de réalisateurs de films live de faire ce reproche-là aux films d'animation, parce que ils savent tout simplement pas ce que c'est qu'un scénario, selon moi. Hein. Autant, je trouve qu'effectivement, l'animation souffre de ça. Souffre d'une forme de. Mais alors. Est-ce que on est dans un si on est dans un film purement graphique, purement formel ou purement sur le mouvement, moi effectivement, on se rapproche plus, selon moi, d'un film, je dirais pas merde, comment est-ce qu'on dit expérimental. Mais je te donne deux exemples d'un même réalisateur. Ouais. Parce qu'on n'est pas du tout sur l'expérimental. Ouais. Le Moine et le Poisson, père et fille. Oui. Imagine oui. Le scénario, oui. Les deux films. Oui. Imbitable. Aucune chance dans une commission. Si, tu crois? Bien sûr. Moi, j'ai l'impression. Hein. Ah non. Ah bah, justement. Ah bah, alors, totalement opposé. Ah non. Juste, les scénarios sont très bons. Juste avec des mots, tu penses que ça. Bien sûr. Tu penses que tu arrives à convaincre une commission? Bien évidemment. Et le Comte des Contes? Tu plaisantes, tu me prends deux exemples de scénarios impeccables. Pour moi, c'est l'exemple. Tu vois, pour moi, c'est presque des contre-exemples de. Moi, je suis pas. Moi, j'ai le sentiment que le. Ah mais je dis pas que les scénarios n'est pas bon. Je dis que sur papier, ça donne pas grand-chose parce que voilà, c'est ça. Simple, la qualité efficace, du film. Elle est... Et un scénario, c'est simple, efficace. C'est un objet de transition. Oui, mais on dira, c'est pas intéressant ce qu'il nous raconte. Comment donc c'est pas un drame? Ah bah non, mais après, mais tu sais, il y a, beaucoup de scénarios de live. Des fois, quand tu les lis, c'est consternant de j'allais dire de formalité, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des faits, voilà, qui sont posés comme ça. Et après, si t'as pas un artiste derrière pour filmer ça, pour amener son propre point de vue, et qu'il a, et c'est pour ça qu'on là, on est dans le cinéma. Et là, on parle de cinéma, que ce soit pour l'animation, pour le live. C'est vraiment l'art de considérer le scénario comme un objet de transition. Le scénario est un objet de transition. Oui, on est bien d'accord, mais justement, le fait de juger le film sur ce... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas lu le scénario de Père et Fille, mais j'imagine, quand je vois le film, et je l'ai vu de nombreuses fois, et je me suis posé la question en voyant le film, sur le scénario, quand je lis l'histoire qui est contenue dans Père et Fille, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Lui, ça va être naze. Et quand je vois le film, je trouve qu'il fonctionne superbement bien, parce qu'il y a d'autres choses dans le film, qui relèvent... Bien sûr, il y a du cinéma. Cinéma, de l'animation, de l'évocation d'un univers, etc. Sauf que quelqu'un qui n'est pas là me disait justement qu'il aurait pu être là, mais on ne doit pas dire qui, parce qu'il est dans une commission. Il me disait par exemple que dans une commission, en fait, souvent les gens regardaient les dossiers au CNC, trouvaient quelque chose de beau et faisaient oh, ça c'est beau, et souvent lui râlant en disant ouais, mais ça raconte rien, enfin il n'y a rien derrière quand même. On faisait oh oui, mais c'est beau, et c'est la commission qui permet finalement d'avancer, voilà, de donner un peu d'argent comme ça sur le développement, des choses comme ça. Il disait, oui, mais quand même, on pourrait avoir des projets qui ont réellement un fond. Ça nous manque, ça, en animation, des projets qui ont un fond réellement, qui disent des choses? Pas plus que, je pense, qu'en prise de vue réelle, honnêtement. Alors, sincèrement, moi je sais pas. Moi, j'ai une expérience très heureuse il y a quelques mois, au Canada, où j'étais membre du jury au Saguenay, sur un très beau festival. Avec, alors là, du coup, j'ai rarement vu ça, mais donc c'est un festival mixte qui confondait à la fois animation et prise de vue réelle. Et j'ai quand même trouvé que la qualité des scénarios et des films en live, en prise de vue réelle, était exceptionnelle, quoi. Et globalement, et alors, il y avait beaucoup moins de films d'animation, hein, c'est sûr. Mais si je le recoupe avec les films d'animation que j'ai vus cette année, par exemple, pas Annecy, parce que j'en ai vu aucun, j'étais en vacances à Annecy... j'en avais vu quand même à Lille, à Bruxelles, à Nîmes, bien sûr. Putain, je trouve que c'est le jour et la nuit, quoi. Pour les films de prise de vue réelle, pour moi, il y avait des scénarios extraordinaires, et pour les films d'animation, quand même, quoi. Olivier, Gilles, moi, je suis pas forcément d'accord. Un peu sur le cul, quoi. Et moi, c'est pas tant le scénario qui m'importe, c'est comment on va raconter après l'histoire. Tu parlais de père et fille. Voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Le scénario, pour moi. Enfin, c'est qu'en deux lignes, il n'a aucun intérêt en soi. Mmh. Alors, il en fait un film dramatique d'une intensité incroyable. Attendez, en deux phrases, pour moi, ça m'intéresse. J'ai envie de voir le film. Mais c'est pas un film. Une phrase, c'est pas un film. Non, c'est un scénario. Même pas. Une phrase, c'est pas un scénario. Ça peut être un scénario. C'est l'histoire d'Hitchcock. Enfin, là, je pousse le machin. Hitchcock, il raconte qu'il fait un rêve extraordinaire. Il a le scénario idéal. Il est au milieu de la nuit, il note, il repose le petit carnet sur sa table de chevet, et puis le lendemain matin, il se réveille, il dit putain, super. Il se souvient qu'il a noté le scénario idéal. Il regarde dans son petit carnet et il voit un homme tomber amoureux d'une femme. Ça, c'est le scénario idéal. Attends, je l'ai bien noté. Nicolas, on va écouter le petit une minute qui vient juste après. Merci. Sometimes films look right, but sound wrong. Yes, but I think if it sounds right, wrong, it doesn't look right. C'est pas juste. I think that movies depend so much on rhythm. They are so close to music, a movie is. Closer to music than a drama of the theater. that if the sound and the rhythm of the sound, above all the rhythm, is wrong, no image can save it. Because the rhythm of the sound, I believe sound is the first human sense for the theater, not the eye. I think the first theater was a story told by a storyteller. And it's a voice. And the voice determines it. And the rhythm of the voice determines the images in some way. It's not only what you say, but the rhythm and speed of all the voices in a scene. So I often, when I direct, turn my back on the scene. Donc toujours, alors on va vite, vous avez entendu juste un tout petit bout évidemment dans les grands monsieur de la musique, vous avez entendu 15 secondes d'Isaichi, sa musique pour Hanabi qu'on n'entendra pas parce qu'évidemment le temps fonce et puis voilà on n'aura pas le temps d'entendre tout ça, c'était Orson Welles que vous entendiez après, qui dit, donc on lui pose la question, vous pensez des fois que l'image semble bonne mais le son non, et il dit oui, mais pour moi si le son ne sonne pas bon, l'image ne peut pas être bonne elle-même. Je pense que les films dépendent tellement du rythme, ils sont si proches de la musique, plus proches de la musique que l'est une pièce de théâtre. Si le son et le rythme du son, plus que les autres rythmes, est mauvais et faux, aucune image ne peut le sauver. Parce que le rythme du son, là il s'arrête et dit « Je pense que le son est le premier sens utilisé par les humains pour le théâtre, par exemple, plus que par les yeux. Plus que les yeux. Je pense que la première représentation théâtrale était une histoire racontée par un conteur, et donc sa voix. » C'est ça qui détermine, et donc bien sûr le rythme de la voix détermine les images en quelque sorte. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais le rythme, la vitesse de toutes les voix dans une scène. Donc souvent quand je réalise, je tourne le dos à la scène. Est-ce que le son, évidemment, est fondamental, on le sent en animation, est-ce que des fois vous ne trouvez pas que le son, je cherche toujours, hein, on a quart d'heure, on va se rendre compte qu'en effet on a peut-être qu'effleuré, et que finalement il n'y a pas de manque de cinéma dans l'animation, et puis voilà, on aura fait quand même notre émission. Est-ce que le son n'est pas un problème des fois en animation? Et des fois il est sublime. Il est extraordinaire, il réussit des choses fabuleuses, et des fois, ils s'y prennent un peu tard, et j'ai l'impression que des fois, on a des acteurs qui jouent un peu faux, ou quand on veut, ça fonctionne quand pas. Quand on veut se donner la peine, justement, alors là, ça fait partie de la force de l'animation, c'est qu'on a une vraie création sonore qui devient du langage de cinéma, et ça peut être incroyable. C'est plutôt sur les films en Vurel que le son est paresseux, ouais, je trouve. Ouais, souvent. Il n'y a pas vraiment de travail, et notamment dans le cinéma français, je trouve que c'est souvent un aspect très problématique. Alors, je ne parle pas des acteurs et tout ça, hein, je parle vraiment du travail sur le son en général. Alors, en animation, j'ai entendu des films, c'était extraordinaire, quoi. On a une création qui est voilà, on choisit de faire passer des choses par le son et ça peut être surprenant, quoi. Et quand c'est loupé, vous trouvez pas que c'est pire? Ah bah oui, forcément, ouais. Oui, non, mais pire que la prise de vue réelle. Ça peut être terrible, pire forcément. Pire que la prise de vue réelle. C'est mal fait. C'est là où la prise de vue réelle. Il y a des films insupportables à cause de leur son. On est bien d'accord. Mauvais son, ça tue un film. Gilles. Ouais, moi, je crois que c'est Milch de Kovalyov. Je crois qu'il m'a autant marqué par le son que par l'image, par exemple. Et je saurais pas. Je l'ai plus en tête exactement, mais. Mais je me souviens finalement de autant du son de quand le gamin, enfin, avec le train, voilà, il y a un travail, et dans beaucoup de films d'animation, il y a un énorme travail sur le son. Ça, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de très bons techniciens spécialisés dans l'animation du son. Ouais. Donc ça, c'est l'un des plus qu'on a justement. C'est pas un manque de cinéma qu'on a dans le cinéma d'animation, puisqu'on va même plus loin que le cinéma de prise de vue réelle. Je pense que là-dessus, par contre, c'est bien d'avoir un bon producteur et qui parce que souvent, c'est vrai, et moi le premier. On a des lacunes en son parfois, et on pense image. Beaucoup de gens de l'animation pensent image avant tout, et voilà. Mais c'est vrai que si beaucoup. Oui, toi, parce que tu sais pas faire des films. Mais non, sincèrement, pour être un peu plus sérieux, je crois qu'on a conscience justement de nos faiblesses. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Mais on sait bien travail. C'est ça le cinéma. C'est là que le producteur est aussi important pour dire attention. Mais de très bien s'entourer, oui. C'est souvent le problème, par exemple, dans les films de fin d'études, le son. À quelques exceptions près, mais les films... qui sortent d'écoles, qui sont plutôt des écoles techniques, qui sont souvent très bien faits, etc. Parfois même le scénario tient à peu près bien la route. C'est très beau, c'est très bien animé, tout ça, mais souvent le son est très très pauvre de ce point de vue-là. Et c'est... Pour mon premier film, Chahut, à Clermont-Ferrand, j'ai eu le prix du meilleur son C'est assez étonnant parce que c'est un film où il n'y a que des silences. Ah, justement. Et, et voilà, Fred Mert qui avait fait le son du film avait fait un travail. Alors, si le film est mal projeté, on n'entendra pas, bien sûr. Mais chaque univers, chaque plan du film avait une texture différente au niveau sonore. Enfin, il avait fait un travail incroyable. C'est un film très silencieux, paradoxalement. Et mais voilà, donc c'est non, le son, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de plus. On va faire une dernière pause musicale. On va passer directement, je pense, à la piste 16, qui doit durer 3 minutes. Est-ce que tu me trouves ça, Nicolas? Ça dit quelque chose, piste 16, 3 minutes? Frankly, dear, your modesty reveals to me self-appraisal often makes us sad. And if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad. You have all the qualities of Peter Pan. I'd go far before I'd find a sweeter pan. I love your funny face, your sunny, funny face. For you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality for me. You fill the air with smiles for miles and miles and miles. Though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace your sunny, funny face. Sunny, funny face. You're not exotic, but so hypnotic. You're much too much. If you can cook the way you look, I'd swim the ocean wide just to have you by my side. Though you're no Queen of Sheba, for worlds I'd not replace. Your sunny, funny c'était Funny Face, bien sûr, Fred Astaire, Audrey Hepburn dans le magnifique film de Stanley Donen. On n'a pas le temps, évidemment, on va avoir 10 minutes pour terminer. Normalement, on aurait dû entendre Michael Nyman, évidemment, pour son travail Greenaway. On aurait dû entendre Roman Polanski qui parlait des réussites et échecs et dire qu'un échec, c'est terrible et que lui, de toute façon, il a envie que son cinéma il soit vu par tout le monde. Je suppose que vous aussi, non? Malgré le fait que vous faites du court-métrage. Moi, j'adore me sérieusement, on a 10 minutes. Franck Bah, bien évidemment, il n'y a que les connards qui peuvent imaginer le contraire. Oui. Alors, ils sont complètement maso. Sauf que c'est quelque chose qui est souvent dit, par exemple. Sur des postures. Oui, mais alors justement, puisqu'on parlait hors micro des postures, par exemple, c'est des choses qui sont souvent dites dans des écoles en disant écoutez, vous ne faites pas des trucs d'auteur parce que c'est vu par trois personnes et vous nous emmerdez. Nous, on fait du Hollywood, on fait des trucs qui marchent, on fait des trucs. Et ça, c'est les élèves qui me l'ont dit dans certaines écoles. Et on fait des trucs qui fonctionnent. On fait ça pour les gens. Il faut que vous testiez ça sur les gens. Il faut que vous soyez sûr que ça marche sur les gens. Alors, moi, je connais d'autres écoles où c'est l'effet totalement inverse, où on considère que les gens sont des cons, qu'il faut les éduquer à l'art, et que si on fait un truc, y compris par trois personnes. En cinéma d'animation bien évidemment. Lesquels? Tu veux des noms? Oui, bien sûr. Bah, La Poudrière ne me donne pas l'exemple d'un cinéma tout à fait populaire. La Poudrière, c'est sûrement une des écoles les plus justement représentées. Il y a des histoires, il n'y a pas un seul film abstrait. C'est toujours des histoires, enfin, c'est toujours des histoires très bien menées, justement. C'est une des seules écoles qui parlent d'histoire et de scénario. Ah bon, bah écoute, si tu veux. Sachant qu'il y a beaucoup de films à Poudrière que j'aime. On parle de posture, moi, on parle pas des films. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de posture. De toute façon, là, tu me demandes de parler d'un truc qui m'agace profondément, qui est l'univers des profs et des étudiants, puisque moi, c'est pas du tout ma cam, mais je trouve que la posture, elle se trouve en grande partie là. Et avant de taper sur la gueule des gens qui apprennent un boulot pour gagner leur vie, ce qui est pas tout à fait déshonorant, et même s'ils font de la merde dans la pub et le clip, en tout cas, cette partie des gens-là se retrouve, à mon sens, c'est marrant parce qu'on commence à parler d'un truc finalement assez intéressant, assez sensible sur les ressentis de chacun d'entre nous du milieu à 5 minutes de la fin. C'est un peu idiot. Sauf qu'enfin, dans l'émission, à aucun moment donné, il était dit par exemple que les gens de la pub ou des clips faisaient de la merde et que c'est des gens terribles. Genre, ils sont les bienvenus ici. Au contraire, il n'y a jamais eu l'idée de dire tiens, eux, ils font des trucs nuls. On dérive. En plus, on n'est pas du tout dans l'idée du cinéma. Est-ce qu'on arrive donc finalement. Parce qu'on va laisser quand même Rémi faire 5 minutes de trucs. Est-ce qu'en fait, tout ce qu'on vient de faire, finalement, et Franck Tité, en fait, il n'y a pas de manque de cinéma dans le cinéma d'animation. On a fait une émission qui était très. Enfin, moi, je suis content de vous avoir eu, au contraire, et on a parlé de plein de choses, mais finalement, on se rend compte à la fin qu'en fait, il n'y a pas de manque de cinéma. En fait, ça dépend des films. Je sais toujours pas. Ça dépend des films. Pour moi, ça dépend des films. Et il y a des films, effectivement, peut-être qui manquent de cinéma, mais ce n'est pas grave, c'est autre chose. Ok, on aurait dû terminer aussi par Cazavetz, et Cazavetz qui dit en effet, parce qu'on lui parle de réalisateur, vous pensez vouloir devenir uniquement réalisateur, il dit non, d'ailleurs je ne me considère pas être réalisateur, mais j'ai un intérêt pour l'être humain, et je pense que le matériau que nous amenons, c'est ça. Et je dis bien nous, tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation du film, ce qu'on a changé, c'est d'arriver à un point, où ils peuvent s'exprimer comme ils le veulent et qu'ils contribuent à quelque chose. Pour Faces, je pourrais vraiment dire que le film n'aurait pas été fini, et il a mis 3 ans à être fini, si ce n'avait été pour l'intérêt de tout le monde, pour les problèmes humains, pas pour les problèmes que représentent les films. Pour moi, le film n'est pas important, mais les gens le sont. C'est peut-être ça aussi. Et pour finir, encore une fois, en 3 minutes, là, c'est pas possible. L'idée, moi, de l'émission, c'était plutôt une idée d'équilibre. C'est-à-dire que je pense, en effet, il ne manque pas de cinéma, mais je pense que l'équilibre est penche du mauvais côté, en tout cas d'un côté moi qui m'intéresse moins, qu'il y a d'un côté où justement le cinéma est beaucoup moins présent aujourd'hui et qu'il perd à mon avis du terrain aussi par le fait, et c'est très compréhensible que étant prof je me rends compte que les élèves par exemple connaissent beaucoup plus l'illustration et sont beaucoup plus là-dedans que dans le cinéma et dans aimer le cinéma. J'aimerais qu'on termine juste pour ça, et je laisserai la parole à Rémi, comme ça on sera dans une vraie émission frustrante, on n'aura pas été jusqu'au bout. La plage 18 qui fait 15 secondes. What I walked away from all that stuff was with a really valuable lesson, was as being subversive. And if I can encourage you to do anything in your careers tonight, is to do as much subversive stuff as you can. Voilà, donc c'était Phil Tippett au NA Awards, et qui dit s'il y a une chose que j'ai appris de tout ça, c'est d'être le plus subversif possible. Et si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est d'essayer de rester et d'être le plus subversif possible. Évidemment, Phil Tippett, évidemment dans Hollywood, donc c'est un subversif qui est très particulier, qui est dans un monde particulier. Je vous conseille aussi Le Cinéaste de notre temps de Cazavetz, où Cazavetz justement parle de son rapport à Hollywood. On t'écoute, Rémi. Merci. Bon, là, je vais aller vite. J'ai toutes les infos sur l'agenda d'Afka, pour ceux qui savent lire. Les festivals, le festival Cinéson. Il y en a qui ne savent pas lire, je suis sûr. C'est pour ça qu'ils écoutent la radio. Le festival Cinéson du 11 au 23 novembre, un peu partout en Essonne. J'ai noté surtout le programme Jeune Public, qui est intéressant, avec les merveilleux contes des Neiges d'Hilarion Duss et Pat et Matt. Et aussi des ateliers animés avec Florentine Grelier et Violaine Lécuyer. Je pense que c'est plutôt pour les Maribel. Enfants. Oui. Association Barry Bann. Dedans. Olivier le président, c'est pour ça. Le festival du film court de Villeurbanne. Je crois que ça se passe à Villeurbanne, mais je suis pas sûr. Ça sera du 14 au 23 novembre, avec le programme Animum qui est conçu par l'agence du court-métrage. Il y aura un mini-festival pour les enfants qui s'appelle Avoir les enfants. Le nom est original. Course et cours du 20 au 23 novembre à Cabrières d'Avignon en PACA, avec Manon Jotcher, Marchand Grenu, etc. Enfin, plein de films. Oui, je passe sur certaines choses quand même. Le 23e Festival International Séquence Court-Métrage du 21 novembre au 7 décembre à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Il y aura notamment deux compétitions d'animation, une carte blanche à Arnaud Demainck le 6 décembre à 18h à Cinémathèque de Toulouse et une masterclass autour de l'animation le 26 novembre à l'ESMA. Et un dernier festival, le Festival des Nuits Magiques du 29 novembre au 14 décembre au cinéma Le Festival à Bègles. Il y aura les 50 ans de la Panthère Noire, des films de... Panthère Rose. De Frédéric Bach. Le Pat, j'ai dit quoi? C'est Panthère pas grave, Panthère Noire. C'est pas grave. Oui. Non, c'est pas sujet un chat noir, ça. Des programmes spéciaux avec JPL Film, Anima Danse, etc., etc. Il reste 3 minutes. Ça va, un ciné-goûté... Un ciné-goûté demain au cinéma à l'écran à Saint-Denis, ça c'est pas loin, donc on peut y aller. Ça sera à 15h et ça sera en sortant de l'école, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu au cinéma. Les journées professionnelles de cinéma 93, les 19, 20 et 21 au ciné 104 à Pantin. Bon, ce sera Fabrique des mots, un programme, je crois que c'est l'AFCA, et cinéma public film, cinéma 93, etc. Une carte blanche à 18h15 au film sauvage, le... Je sais plus, c'est pas grave, on lira l'agenda. Pour ceux qui savent. Les autres, on s'en fout de toute façon. Et on finit avec les sorties ciné. Le 19 novembre, Bon Voyage Dimitri, c'est un programme de cours avec Le Vélo de l'éléphant qui a été en lice pour les prix Émile Reynaud, Flocon de neige, Tulku et Dimitri Aoubouyou. Le même jour, je viens d'en parler, Le Merveilleux Conte de la Neige d'Hilarion Duss, qui est très chouette. On l'avait vu, je crois, à Annecy, pas cette année, mais l'année d'avant. Le 26 novembre, Astérix, le domaine des dieux. J'espère que les doublages seront moins à chier que dans la bande-annonce. C'est tout ce que j'ai retenu. De la neige pour Noël, parce qu'on arrive à la période où il faut voir des films de Noël. Donc c'est de Rasmus Silvertsen. Et Panique chez les jouets, c'est un programme de cours avec Macropolis, Le Petit Dragon et puis La Très Bonne Bûche de Noël de Patard et Aubier. Est-ce qu'on peut annoncer la date de la prochaine émission? On est sûr? C'est le 20 décembre. C'est le 20. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ben, on peut passer directement sur le générique d'autres émissions. Alors sur la 6, on part près de suite. On avait le 19 qui était les vacances de Monsieur Hulot. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir jonglé. Merci à tous d'être venus autour de ce micro. C'était juste un tout petit... bout, mais je pense que tant qu'on peut parler d'animation, tant qu'on peut discuter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est toujours passionnant. Merci à tous et à très vite. Bye bye.